reflection in me. Grab your coat and let's start walking. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la rédaction du sport sur Radio Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver, nous sommes le lundi 12 janvier, 20h38, et on est ensemble jusqu'à 22h30 pour débriefer toute cette actualité sportive de la semaine du week-end passé, avec Hugo que l'on retrouvera à 21h pour la page football. Beaucoup de choses ce soir encore au programme. On va avoir bien sûr du côté du football ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire la Coupe de France qui se poursuit ce soir d'ailleurs avec un match en direct. On va y revenir dans un instant. On va également revenir sur ce qui s'est passé à l'étranger. Alors on a eu un petit peu tout ce week-end, hein. On a eu des championnats en Allemagne, en Italie, la Super Coupe d'Espagne remportée par le Barça hier dans une finale à haute tension. On va y revenir face au Real. On va aussi revenir sur ce qui s'est passé en Angleterre, la Cup, et puis bien sûr on évoquera la prochaine journée de Ligue 1, la 18e journée, pour pronostiquer cette 18e journée, et ça fait un petit moment, donc on va revenir sur tout ça. Et la CAN, bien sûr, les demi-finales, qu'on va l'évoquer aussi tout à l'heure. Et puis le flash multisport, comme d'habitude, un petit peu tout du basket. Il y avait le derby hier entre Orléans et Blois, remporté par Blois en ligne élite 2. On va y revenir aussi au début des championnats d'Europe de handball qui vont démarrer cette semaine, voilà, donc on va y revenir aussi côté garçon, voilà, et puis du biathlon aussi avec encore des belles performances françaises sur l'étape de biathlon du week-end, voilà, donc le programme vous le connaissez, beaucoup de choses encore, les pronostics pour finir l'émission tout à l'heure, donc voilà, il y a beaucoup de choses encore ce soir, et n'hésitez pas encore une fois proposer, hein, si vous avez des choses que vous voulez écouter, des choses que vous voulez évoquer comme sujet, n'hésitez pas, c'est sur le site, sur le Facebook également, l'arrêt d'art du sport, et puis sinon, bien sûr, vous pouvez nous joindre 02 38 434 800 pour, bien sûr, intervenir en direct. Voilà pour le programme de ce soir. On aura des sons, on aura des pauses, évidemment, aussi. Et puis, on retrouvera Hugo, donc, comme je vous le disais, donc à partir de 21h, des directs, je vous le disais également, un certain nombre ce soir, du football principalement, avec que du football d'ailleurs, puisqu'on aura quatre rencontres. On aura la Coupe de France, c'est l'avant-dernière rencontre de 16e de finale entre Paris Saint-Germain et le Paris FC. C'est à suivre à partir de 21h10 sur France 3 notamment. On aura du championnat espagnol à 21h, ce sera entre le Celta Vigo qui se déplace sur la pelouse de Séville. Et puis on aura un match en Italie également, le championnat. La Juve reçoit Cremonese à partir de 20h45, donc une poignée de minutes maintenant. Et on aura un autre match à suivre aussi, me semble-t-il, entre Liverpool et Barnsley. C'est un match de la Cup. Voilà, ce sera à partir de 20h45 également, dans quelques secondes. Donc cette rencontre de Cup, le match de cette Cup pour les Watts qui vont tenter de se qualifier pour la suite de cette compétition. Voilà pour les directs que l'on va suivre ce soir. C'est parti pour la radar du sport, ça commence maintenant. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Et démarrons cette émission avec donc notre premier sujet, c'est le biathlon, avec cette nouvelle étape que vous avez vécue peut-être ce week-end à Oberhof en Allemagne. Une belle étape pour les Français, hein, qui ont globalement plutôt bien réussi. Encore une fois, marqué de gros points pour le général. On va y revenir avec. D'abord, on va revenir un petit peu dans le temps, monter un petit peu dans le temps, avec d'abord les sprints, donc chez les garçons, le sprint remporté, donc Ce sprint par Tommaso Giacomel, l'Italien. Les Français assez loin. Éric Pérou 6e, Fillon Maillet 11e. Bon, voilà, c'était pas, ça n'avait pas très très bien démarré. Ensuite, on avait chez les femmes Elvira Öberg, la Suédoise, qui a pris la victoire. Et puis Julia Simon, la première Française, se classe 3e pour son retour de suspension. Elle a pris le podium quand même, 3e place avec un sans faute. Et puis ensuite, on avait les poursuites. L'Italien Giacomel qui a remporté à nouveau la poursuite, qui a fait le coup double. Fillon Maillet 6e, il y a un petit tir groupé avec Perrault 8e, Claude 9e. Et puis chez les femmes, donc la victoire de cette poursuite. Et puis après, on parlera bien sûr des relais aussi qui avaient lieu sur tout le week-end, hein, les relais que l'on a l'habitude de voir. Et donc pour les, d'abord la poursuite femme remportée, elle, par Elvira Hubeg, la Suédoise, encore une fois, qui a fait le coup double. Julia Simon 4e, elle a régressé d'une place malgré tout. Justine Mazas 6e. Et enfin les relais, victoire pour la France chez les dames, au-dessus du lot, très au-dessus du lot, devant la Norvège et l'Allemagne. Et enfin chez les hommes, une nouvelle fois les Français coiffés sur le poteau par la Norvège, qui ça s'est joué vraiment sur le sprint. Et finalement ils s'imposent. Beaucoup de pénalités, de pioches aussi, hein, côté norvégien et français. Et ça ne les a pas empêchés de prendre les deux premières places. La Suède complète le podium. Comme depuis déjà le début de la saison, les quatre premiers relais ont accouché des mêmes résultats, hein, Norvège, France et Suède. Donc voilà, pour le moment où on en est. Après donc ces quatre premières étapes, Tommaso Giacomelli, l'Italien, est en tête du général. Le deuxième, c'est le Norvégien Botne, qui est deuxième avec 560 points. Et là, il y a une cinquantaine de points de retard sur l'Italien. Éric Perrault se classe troisième, 529 points. On est encore largement dans le coup. Et on rappelle que le Norvégien était absent pour maladie. Donc voilà, il a perdu pas mal de points. Il reste deuxième tout de même. Lou-Jean Monod, malgré performance un peu moins bonne sur le week-end, reste en tête. Devant Minkinen, la Finlandaise, et Kirkeide, la Norvégienne, troisième. Donc elle reste en tête pour l'instant. Prochaine étape, bah, ça enchaîne, hein. Ça va enchaîner voilà, assez vite, hein, puisque ce jeudi, c'est déjà le début de la cinquième étape. Une étape qui va emmener les biathlètes du côté de Ruhpolding, toujours en Allemagne. Le fameux duo allemand à chaque fois, hein, Oberhof-Ruhpolding. Le programme. Donc chez les hommes, donc on aura d'abord un relais. Ce sera d'abord le relais jeudi. On aura un sprint qui sera samedi et la poursuite dimanche. Voilà, en fait, on a le même programme que sur cette étape de Oberhof, mais cette fois un petit peu dans le désordre, enfin en tout cas un ordre différent. Et puis chez les dames, pareil, le relais lui aura lieu dès mercredi. Ça va arriver très très rapidement. Le sprint aura lieu vendredi, puis la poursuite dimanche. Voilà, une journée de repos supplémentaire pour les femmes. Voilà donc l'étape qui nous attend sur cette semaine. Et puis tiens, une bonne nouvelle aussi côté ski alpin, une victoire que l'on peut mettre en avant, c'est celle du français Rassat, Paco Rassat, qui s'est imposé sur l'épreuve du week-end, qui était un slalom en Suisse, Amédée Baudon, qui s'est imposé, le français, sur ce slalom. Donc voilà, une belle victoire, ça fait plaisir. Et il avait déjà fait le coup en début de saison sur le slalom en Autriche. Donc deuxième victoire pour lui sur cette épreuve. D'ailleurs, il est en tête du général, devant Clément Noël, l'autre français. Donc les Français qui réussissent plutôt bien sur les slaloms. En revanche, c'est Marco Odermatt, le Suisse, qui est toujours en tête du général, avec beaucoup d'avance d'ailleurs, puisqu'il est largement en tête. Et il est en tête de tous les classements, hormis le slalom, on l'a dit, c'était les Français. Mais tout le reste, c'est lui qui domine, donc vraiment au-dessus pour l'instant de tout le monde. Voilà, en tout cas, cette petite victoire française que je voulais vous mettre en avant. On poursuit avec tout à fait autre chose, alors que c'est parti pour les matchs de 20h45, c'est-à-dire Juve Cremonese, donc l'Italie, donc nouvelle journée de championnat, et puis en Angleterre Liverpool Barnsley, et pas Burnsley, hein, Barnsley, donc c'est la Cup 0-0 là aussi. Après 3 minutes de jeu. On poursuit, je le disais, le handball, ce sera le début de l'Euro. Donc chez les garçons cette semaine, ça y est, on y vient, avec une liste de 18 joueurs qui a été annoncée aujourd'hui par Guillaume Gilles pour donc ces championnats d'Europe qui auront lieu au Danemark, en Norvège et en Suède cette année, à partir du 15 jusqu'au 1er février. On rappelle que la France défendra son titre hein, qu'elle avait remporté il y a 2 ans déjà. Donc voilà, donc pas de surprise, Nedim Remili sera bien présent, lui qui avait été préservé lors des matchs amicaux. Donc pour le coup, ça ne bouge pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. On aura besoin évidemment de tout le monde. Donc cette présence-là, elle fait beaucoup de bien. Pour le reste, très peu de surprises. Hein. On aura des bonnets chez les gardiens notamment. Lune Prandi sera présent. Mine, Remili, Dika même toujours présent. Richardson. Nicolas Kuhn, Yannis Lenne, Fabregas, Nicolas Tourna, ou enfin Conan, enfin voilà, ils sont tous là, pratiquement, il n'y a pas d'absents, de grands absents. Donc ça démarre le 15, la France, elle sera dans le groupe C, elle sera opposée à la République tchèque, donc dès jeudi, pour le premier match, donc ce sera à 18h, notez bien. Ensuite, on aura Ukraine-France, qui aura lieu samedi à 18h également, et enfin probablement la première place du groupe sera face à la Norvège, ce sera lundi à 20h30, donc on aura la chance de pouvoir suivre cette rencontre d'ailleurs dès le début à 20h30, donc France-Norvège pour probablement la première place. Et on rappelle qu'ensuite il faudra terminer dans les 3 premiers pour accéder au tour principal. Voilà, on rappelle donc largement à la portée des Bleus, mais on rappelle que les victoires acquises dans cette première phase de poule compte pour la suite, hein, et on emmènera des points dans le tour suivant grâce à ces victoires. Donc il faudra jouer à fond ce premier coup, et ensuite donc on sortira les deux premiers des deux groupes de tour principal pour aller chercher les demi-finales. Donc voilà un petit peu le programme de cet Euro qui nous attend et qui attend les Bleus. À noter donc Beansport qui diffusera l'intégralité comme d'habitude de la compétition, et puis France Télé qui a acquis cette année les droits de diffusion des compétitions hommes et femmes d'ailleurs de toute l'année. Donc à partir du tour principal, les Bleus seront diffusés sur France Télé jusqu'en finale, si elle y va. Donc une bonne nouvelle de France Télé qui succède à TF1 pour cette diffusion en clair. Voilà pour les hommes, hein, le début de cet Euro qui arrive. Chez les femmes, on a repris la compétition bien sûr après ce mondial. C'est reparti pour tout le monde, pour les différentes compétitions. La Ligue des Champions notamment, où Brest est toujours en tête de son groupe, et Metz est deuxième, donc ça se passe très très bien chez les filles pour l'instant, les compétitions européennes qui se passent très bien, donc il faut continuer dans ce sens. Et puis pour le championnat, bah, toujours Metz en tête là aussi sans surprise. Voilà pour le handball. Du basket maintenant, je vous le disais, hier c'était le derby en Elite 2 entre Orléans et Blois. Les deux co-leaders de ce championnat Elite 2 qui se rencontraient hier donc dans un Comet archi plein. Pratiquement 10 000 personnes étaient présentes hier. Donc vraiment un stade, enfin une salle comble. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour Orléans, battu assez largement finalement, 90-75. Voilà les Orléanais qui étaient dans le coup hein, jusqu'à la mi-temps, même en début de troisième quart-temps, et puis qui s'est écroulé. Surtout dans le dernier quart-temps, et finalement qui va laisser donc Blois s'imposer dans ce derby de la région centre, et qui va laisser donc Blois être seul en tête. Orléans est rejoint par Rouen désormais à deuxième place, donc voilà, il va falloir maintenant revenir très vite puisqu'il y en a une petite victoire de retard désormais. Première défaite aussi à domicile pour Orléans, voilà, ça devait arriver, c'est arrivé face au rival Blois. Voilà, il va rester encore beaucoup de matchs évidemment, mais on rappelle la première place très importante puisque ça sera directement la montée en Betclic Elite, sinon il faudra passer par un play-off. Prochaine journée, vendredi, déplacement à Saint-Chamond, ce sera donc vendredi à 20h30 face à une équipe centre de Saint-Chamond qui pour le moment est 16e, voilà, donc assez mal classé. Mais on rappelle que Orléans avait perdu face au dernier il y a quelques semaines, donc méfiance pour Orléans qui va devoir donc rebondir très rapidement. Voilà, donc pour l'instant Orléans où on en est. Sur la Betclic Elite, eh bien, pour l'instant, c'est Monaco qui domine le classement. Devant Nanterre et Paris, voilà, Strasbourg suit juste derrière. Très peu de surprises là aussi dans ce championnat-là. Et puis un mot d'Euroleague, puisque après 20-21 journées, ça dépend les clubs, mais pour l'instant on en est à Monaco deuxième, qui fait une grosse performance européenne, voilà, avec 14 victoires pour 7 défaites. Pour l'instant c'est le Barça qui est juste aux côtés de Monaco, Valence, et on a l'APL. Tel Aviv qui est en tête, voilà, pour l'instant, donc c'est avec un match de moins, donc c'est très très serré en haut, mais en tout cas Monaco qui fait vraiment une grosse session européenne, et puis qui est aussi en tête dans le Betclic Elite, donc qui est vraiment très en forme. Dernière victoire, c'était jeudi, victoire à Valence 101-92, voilà, vraiment un gros score en plus, donc c'est plutôt encourageant. Et bah, la suite, ça va continuer, bien sûr, avec un match qui aura lieu, eh bien, cette semaine, à nouveau. Monaco se déplacera à Paris, voilà, le duel 100% français. Ce sera jeudi à 20h45. Paris, de son côté, est 15e, c'est compliqué. Et puis, c'est encore plus compliqué pour l'Asvel, qui est avant-dernier. Donc voilà, c'est très compliqué cette saison pour nos deux autres clubs français, mais pour Monaco, ça se passe très bien. Un mot rapide en NBA pour vous donner donc l'information, parce que Détroit est en tête pour l'instant à l'Est, aux côtés de New York et Boston sur le podium, et puis à l'Ouest, Oklahoma City fait une saison énorme, hein. 33 victoires à 7 défaites seulement, qui domine le classement devant les Spurs et Denver. Voilà, donc les Spurs aussi sur une très belle dynamique. Voilà pour ce point donc en basket. On poursuit avec le rugby maintenant, ça se poursuit aussi au top 14. Après 14 journées, c'est Toulouse qui est en tête, c'est très serré aussi en haut, je vais vous le redonner ce classement. Toulouse en tête donc malgré sa défaite à Perpignan, c'était samedi 30-27 face à une équipe voilà de bas de classement, mais Toulouse n'a pas réussi à s'imposer. Clermont qui a fait la belle opération en allant gagner à Montauban face à la Lanterne Rouge, qui pense à gagner un match, ça y est, et un match nul aussi, donc qui est à 7 points, mais ça va être évidemment très compliqué. Ensuite, deuxième, eh bien c'est Pau, toujours une grosse saison, malgré sa défaite à Lyon, on reste deuxième. Puis un vrai fossé ensuite, le Stade Français est troisième, avec 8 points, 9 points de retard sur le leader. Hein. C'est vraiment serré entre les deux duos, puis après il y a un vrai fossé. Stade Français 39, troisième, Bordeaux 39 également, Toulon 5e, 39 points aussi. Montpellier 6e, 38. On a La Rochelle, Clermont. Voilà, c'est très très serré jusqu'au Racing, hein, qui est 11e, on a 33 points. Et après, bah, il y a le vrai fossé, hein, Lyon 27, et puis Perpignan 9 points et Montauban 7 points. Voilà, les deux derniers, on les connaît. Maintenant, il faudra pas finir dernier pour essayer d'aller chercher un playoff entre ces deux-là. Mais bah, c'est une saison qui va être vraiment longue pour ces deux-là. Donc, prochaine journée, la semaine prochaine. Voilà, puisque bien sûr c'est les Coupes d'Europe là qui se déroulent sur deux week-ends. Donc on rappelle que Toulouse voilà, a perdu samedi au Saracens, donc il reste quatrième. Clermont dernier avec 6 points, qui a 0 points. Voilà, c'est déjà fini pour eux malgré encore un match à jouer. Toulon est troisième dans sa poule, Castres est dernier, donc là aussi c'est très compliqué. Et puis enfin, La Rochelle est quatrième et Bayonne sixième. Les clubs français qui sont à la peine dans cette Coupe des Champions, hormis Bordeaux-Bègles qui est sur un sans faute, 15 points. On peut pas faire mieux. Voilà, ils sont en tête. Pau est quatrième, donc là aussi, ça va être très compliqué. Il reste un match encore à jouer ce week-end pour déterminer et qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà. On rappelle, on va rejouer des huitièmes de finale aussi maintenant désormais dans cette compétition. Et puis dans l'autre compétition, c'est un petit peu mieux pour nos Français, pour le Stade Français notamment, pour Montpellier qui sont en tête, voilà, qui vont probablement se qualifier. Pour la suite, le Racing, ça va être plus compliqué. Perpignan, c'est encore possible. Et puis Montauban, qui est dernier, donc ça sera trop compliqué pour eux. Voilà un petit peu le point. Donc nouvelle et dernière journée de phase de poule cette semaine, ce week-end, et puis ensuite on basculera sur le top 14 à nouveau, avant de revenir dans cette compétition européenne un petit peu plus tard, et donc en huitième de finale. Le tennis a repris ses droits, ça y est, avec les premiers classements et les premiers tableaux qui ont été joués. Donc notamment du côté la semaine dernière de Brisbane où Daniil Medvedev s'est imposé le russe face à Nakashima, l'américain en deux manches. Donc c'est lui le premier vainqueur du premier gros tournoi de la saison. On rappelle aussi qu'il y avait la United Cup, hein, cette compétition par équipe qui a été remportée par la Pologne, qui a battu la Suisse en finale, cette compétition exhibition de début d'année. Et puis il y avait un autre tournoi aussi à Hong Kong sur dur, c'est Bublik qui a remporté le titre face à Muzzetti, l'Italien qui était la tête de série numéro 1. Voilà les premiers tournois de la saison. Cette semaine c'est Adélaïde et Auckland. Voilà le programme. Au niveau des présents, Hugo Humbert sera partie des Français, Quentin Alice, et c'est à peu près tout côté français. Tête de série numéro 1, c'est Davidova Fokina, l'Espagnol, pardon. Et puis donc l'autre tournoi, je vous le disais, ce sera à Auckland. On retrouvera Ben Shelton, l'Américain. Casper Ruud à la tête de série numéro 2. Gaël Monfils engagé. Adrian Manarino, Giovanni Petit-Péricard, Hugo Gaston qui a déjà perdu aujourd'hui, c'est fini pour lui. Alexandre Müller ou encore Valentin Royer qui lui aussi a perdu aujourd'hui, c'est déjà fini. Et puis bien sûr la semaine prochaine, le début de l'Open d'Australie dès lundi prochain, donc ça va arriver vite, même dès dimanche les premiers matchs. Donc on a hâte d'y être, de retrouver tout le monde. Voilà. Donc pour le début et le retour donc de cette saison, cette belle saison de tennis. Voilà pour cette première partie d'émission en flash multisport. On va enchaîner et basculer sur la deuxième partie avec Hugo qui va nous retrouver juste après une pause. Les directs. Alors un point sur ce qui se passe un petit peu partout sur nos pelouses des directs. Alors donc c'est parti en Italie. Je le disais depuis un quart d'heure. La Juve a ouvert le score sur sa pelouse face à Cremonese, donc match de championnat. Autre match en cours, c'est en Angleterre, c'est la Cup cette fois-ci, entre Liverpool et Barnsley, donc la FA Cup. C'est Liverpool qui domine déjà, qui mène avec un but donc dès la 9e minute, donc ça fait 1-0 également dans ce match de coupe. Et puis donc les matchs qui vont démarrer, donc 21h, là ça va partir tout de suite entre Séville et Vigo, et donc les championnats espagnols, et puis à 21h10, dans 10 minutes, Paris Saint-Germain, Paris FC, 16e de finale de la Coupe de France. Voilà donc pour les directs que l'on suit. On marque une pause et puis ensuite on va retrouver Hugo pour la deuxième partie tennis, foot pardon, qui va nous emmener jusqu'à 22h30. Jusqu'à 22h30, peut-être un peu plus. On a pas mal de choses à faire. On va essayer de tenir malgré tout le timing. Mais voilà, on va retrouver Hugo pour tout ça dans un instant. Juste le temps d'écouter ce titre de Craig David, c'est Hot Stuff, que l'on écoute tout de suite. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Sensuates all of your curves, and girl, you know I'm liking all the things you're doing. Chasing in the mother girls, but checking out your moves, and girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot, like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, girl, be tripping, 'cause the other guys be looking at you. 'Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you. So what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, the skirt stilettos on, shaking all that. What you doing with me, girl? I can hold back. Some hot stuff is all that I need. So while we waiting on the floor, eyes as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist and temperature be rising, beat straight hypnotizing, ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving, know what I'm saying, I've been only being straight up misbehaving, girl, you're making me hard, what I'm feeling, especially when you spin around right up on my, and I ain't even playing, so many things I wanna do, you make me wanna go home with you, so maybe girl, I'd like to think it through, but right now it's all about me and you, so get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss me a little so she can know that. What you doing to me, girl, I can't hold back. So it's all that I need, so I will get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss me a little so she can know that. What you doing to me, girl, I can't hold. Avec David, c'était Hot Stuff à l'instant. Vous l'avez reconnu, une reprise de Let's Dance, David Bowie en fond. Et c'est l'heure de retrouver Hugo, qu'on va retrouver jusqu'à 22h30 pour notre page football, 21h04. Et normalement, Hugo est avec nous. Je suis là. Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, bonsoir et bonne année, parce qu'on ne s'est pas revus. Bonne année, on peut encore le dire, ouais. Meilleurs vœux, longue vie à Radio Arc-en-Ciel, et puis ouais. La réussite pour tous ceux qui nous écoutent et surtout la santé, c'est important. Ah, moi j'avais coupé mon micro, on m'en est plus. Ah. Eh bah oui, bah écoute, bonne année à toi aussi, puis on va donc reprendre cette nouvelle année avec nos débriefs de foot avec beaucoup de choses ce soir. Les directs encore 4 ce soir, donc Juve, Cremonese, c'est en Italie, c'est le championnat. 2-0 après 19 minutes de jeu, ça a vite démarré hein, pour la Juve cette fois. Bremer et David qui ont les deux premiers buteurs, Nathan David. Donc ça fait déjà 2-0 pour la Juve qui démarre bien cette rencontre. On aura aussi la Cup avec Liverpool-Barnsley. C'est donc les 32e de finale de la Cup. 1-0 pour Liverpool après 20 minutes de jeu. Et on a aussi le début de la rencontre en Espagne, Séville, Celta Vigo, c'est là, c'est le championnat aussi, 0-0 après 4 minutes. Et puis dans 5 minutes maintenant, on va suivre donc Paris Saint-Germain, Paris FC, donc pour l'avant-dernier match de cette Coupe de France, de ces 16e de finale, que l'on va suivre en fil rouge. Hein, donc dès que ça bouge, bien sûr, on intervient pour suivre cette rencontre. Et puis sur le reste, eh bien évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc les autres matchs de cette Coupe de France, la Cup aussi en Angleterre, et puis les autres championnats aussi, ça a joué un petit peu partout, hein, différentes compétitions. Et puis bien sûr, on va revenir un petit peu sur la CAN, hein, puisque c'est bientôt la fin. On arrive aux demi-finales désormais de cette compétition, et donc un petit point sur ce qui se passe donc dans cette compétition. Eh bien, démarrons tout de suite. Et puis, bien sûr, les pronostics, comme d'habitude, en fin d'émission, on va y revenir avec cette journée, cette 18e journée qui arrive. Eh bien, commençons donc avec notre débrief habituel. D'abord, donc en Allemagne, c'était une nouvelle journée de championnat. On a repris directement par le championnat du côté de l'Allemagne cette année. Avec donc la 16e journée Donc c'était ça démarrait vendredi. Match spectaculaire hein, donc pour lancer cette année entre Francfort et Dortmund. 3 buts partout. Du spectacle, des buts jusque dans le temps additionnel. Un match avec voilà beaucoup d'intensité. Donc ça arrange pas grand monde, mais ça a surtout plu, je pense, aux supporters. Ouais, tu l'as dit, un match ouvert entre Francfort et Dortmund, surtout en seconde période quand même. C'est là où ça a vraiment, c'est vraiment mis vraiment à jouer. Et c'était vraiment très plaisant à suivre, ouais, tu l'as dit, vraiment quand on est spectateur ou pour aussi, oui, bien sûr, les personnes qui étaient présentes au stade. Donc ouais, un match très plaisant à suivre entre deux équipes joueuses, des éléments offensifs de part et d'autre qui ont été intéressants, mais aussi forcément du coup à l'inverse, bah, des défenses qui ont été quand même assez friables hein, de part et d'autre avec ce 3-3, hein, 3 buts encaissés de chaque côté. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'espace dans les différentes défenses, que ce soit donc Francfort ou Dortmund. Justement le Borussia Dortmund qui peut à la fois avoir des regrets puisqu'ils ont mené quand même par 2 fois dans ce match, mais ils peuvent aussi pousser un petit ouf de soulagement en égalisant, tu l'as dit, il y a eu des buts en toute fin de match, en égalisant à 3-3 dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Et voilà, ça fait ce match, tu l'as dit, avec beaucoup de buts très prolifiques et très plaisant à regarder, mais ça reste un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, surtout Francfort en tout cas, qui manque une occasion sur ce match-là, puisque je l'ai dit, il menait 3-2 encore jusque dans les dernières secondes. Donc c'est voilà, Francfort qui manque une occasion de rallier le top 6 de Bundesliga, il reste 7e. Et Dortmund qui reste dauphin du Bayern Munich, bien sûr, on va en parler dans quelques instants. Mais Dortmund qui voilà aurait pu accroître sa petite avance sur Leipzig qui est 3e. Leipzig qui compte, là alors on parle un match de moins que le BVB, puisque son match a notamment été reporté. Oui, tout à fait, mais voilà, le Dortmund, maintenant, on va avoir 11 points de retard sur le Bayern, hein. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est colossal, ouais. Tu l'as dit, là, Leipzig, donc match reporté face à Saint Pauli, puis là aussi le match contre Werder Bremen au Hoffenheim reporté. Pour le reste, la large défaite de Leverkusen, là, qui perd 4-1 à domicile face à Stuttgart. Et, bon, après, Stuttgart qui reste quand même cette année un adversaire qui est plutôt en forme. Ouais, ça reste un adversaire à prendre au sérieux déjà depuis même l'année dernière, voire même depuis 2 ans. C'est vrai que Stuttgart est une équipe qui monte un petit peu en puissance et qui pourrait s'installer un petit peu définitivement dans le haut du panier de championnat d'Allemagne. Démonstration de force un peu inattendue quand même sur ce match-là, mais ô combien mérité du VfB de Stuttgart qui s'est baladé dans la défense de Leverkusen en marquant 4 buts rien qu'en première période. La défense du Bayer Leverkusen qui a été vraiment dépassée, cataclysmique. Qui laissait énormément d'espace, notamment dans l'intérieur. Hein. Tout simplement, c'est une défense plutôt à 3 côté Leverkusen. Et ouais, cette défense à 3, Kwanzaa, Andrich et Bellocian a vraiment été à la peine hein, cette première période. Puisque je l'ai dit, ouais, il y avait déjà 4-0 à la mi-temps donc pour Stuttgart. Et puis en seconde période, ça n'a pas trop bougé. Enfin, le score en tout cas n'a pas bougé, hormis un penalty anecdotique qui va permettre à Leverkusen et Grimaldo de tout de même sauver l'honneur dans ce match, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup moins ouvert cette seconde période où Leverkusen a quand même pu un petit peu plus verrouiller. Mais voilà, Stuttgart a fait un match extrêmement sérieux et a vraiment pris à la gorge Leverkusen. Et c'est une victoire qui permet Stuttgart de revenir à hauteur justement de Leverkusen au classement. Mais le Bayern reste devant à la 4e place. Ça se joue au Golavérage, mais ça reste une grosse victoire justement face à Leverkusen qui est un vrai rival au classement, donc c'est une très bonne opération pour Stuttgart. Ouais, Leverkusen qui est sur une mauvaise série hein, quand même, elle qui a enchaîné 3 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est vrai qu'ils sont un peu dans le dur. Ils perdent un petit peu d'avance au classement, du coup voilà, ils se retrouvent rejoints par notamment cette équipe de Stuttgart et puis Leipzig pour l'instant qui est là, mais qui pourrait peut-être reprendre un petit peu d'avance après son match. Après Leverkusen qui était aussi pour le dire quand même, alors ça n'explique pas tout, mais qui était quand même amputé par l'absence de Patrick Schick hein, aussi, qui on le rappelle, reste important encore cet attaquant-là, le Tchèque. Donc voilà, il y avait aussi cette absence-là qui a pesé quand même un petit peu dans la balance aussi pour Leverkusen. C'est vrai. Qui est revenu, qui est de retour. Schick. Oui. Oui, il va être de retour, oui. Oui, il est encore revenu, d'accord. Non, justement, voilà, il est absent là. Il est absent sur ce match-là. Ça explique aussi peut-être là, un petit peu les déboires. Alors, ça n'explique pas forcément que la défense soit cataclysmique comme ça, évidemment. Mais Leverkusen, même offensivement, notamment oui sur le penalty qu'ils ont su provoquer, ça a été assez stérile forcément dans ce match. Et puis enfin, hier, le carton plein du Bayern qui s'impose 8-1 et du coup qui en profite pour prendre 11 points d'avance, on le disait, sur Dortmund. Ouais, bah oui, 8-1, victoire 8-1. On retrouve un Bayern qu'on connaît bien, qui ne s'arrête pas d'attaquer quand c'est possible. Alors, pourtant, à la mi-temps, il y avait, entre guillemets, enfin oui, il y avait que 2-1 pour le Bayern, avec un CSC de Fischer côté Wolfsburg. Ça fait un 0 pour le Bayern en 5 minutes. Alors, ça a été très très bien provoqué par les attaquants bavarois, notamment Olise et Diaz. Donc ça faisait déjà 1-0. Wolfsburg était pourtant revenu à égaliser, un partout, peu de temps après, à la 13e par Pejcinovic, et puis Luis Diaz va marquer le 2-1, et puis c'est vraiment dans une période où le Bayern va dérouler, avec Olise qui va pouvoir marquer à la 50e, et un autre CSC de Jens cette fois-ci côté Wolfsburg. Ça fait 4-1 du coup à la 53e, donc déjà ça commence assez fort cette seconde période, et puis il va entre guillemets un petit creux pendant un quart d'heure où le Bayern va pas marquer, mais c'est d'ailleurs le moment où Wolfsburg se rebiffe un peu. On sentait que voilà, ils ont eu 2-3 opportunités intéressantes, et notamment un très bel arrêt de Manuel Neuer qui doit se déployer. Mais voilà, hormis ces, on va dire, ces 10 petites minutes, un petit peu de réveil de Wolfsburg, après le match va revenir entre les mains du Bayern, et puis vont vraiment dérouler, je l'ai dit, avec Guerrero qui va venir marquer sur une action un petit peu étrange, parce que en fait il y avait faute pour le Bayern vers le milieu de terrain. Et voilà, les joueurs de Wolfsburg n'étaient pas du tout prêts, et le Bayern va jouer très très vite ce coup franc. Et ce qui fait qu'il y aura des espaces énormes, et ça va être en 2-3 mouvements, le Bayern va réussir à aller devant le but, et Guerrero va pouvoir marquer le 5-1. Donc ça va tester vraiment côté des joueurs et sur le côté du banc de Wolfsburg, mais le but sera bel et bien validé. Et puis quelques secondes après, Kane va mettre le 6-1 pour marquer son but, déjà son 20e but cette saison. Olise va marquer un doublé, Goretzka aussi en tout fin de match va marquer un but, donc ça fait 8-1 à la fin. Olise, je peux aussi bien sûr souligner encore une fois son énorme performance, avec 2 buts et 1 passe D, un poteau touché également, puis voilà, même l'impact qu'il a, sa vision du jeu, sa vista, sa précision, ses passes. Encore une fois, Olise, je ne peux que l'encenser sur ce match-là, il a été énorme aussi. Voilà vraiment ce que je peux dire, on va pas rajouter plus de choses que ça. 8-1 avec ce Bayern rouleau compresseur, et on le disait juste avant, ça fait 11 points d'avance pour le Bayern maintenant sur cette première place devant le Borussia Dortmund. Très bien, et ben voilà pour ces résultats. Et une différence de but de plus 51 quand même en 16 matchs. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que, je ne sais pas si on se rend compte, mais le Bayern a marqué le double de but de la deuxième meilleure attaque, qui est Leverkusen, qui a marqué 34 buts. Le Bayern a 63, pratiquement le double. Hein. C'est gigantesque. Alors, quand tu as des joueurs comme Harry Kane, Badger, qui a 20 buts déjà rien que là en championnat, je crois. En plus, c'est même pas toute compétition confondue, je crois que c'est qu'en championnat 20 buts. Harry Kane, puis t'as Olise, je l'ai dit, t'as même Luis Diaz qui est vraiment un apport. Enfin, Olise, 9 buts depuis le début de saison. Combien? 9 buts déjà, Olise. Ouais, oui, quand même. Avec ce doublé en plus là, ce week-end. Bah, ouais, bien sûr. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'était quelque chose sur lequel il a un petit peu plus travaillé encore là, il y a un an, enfin la saison dernière, là, l'intersaison, la finition. Et c'est vrai que oui, ça y est, il est vraiment efficace aussi devant le but. Alors là, je crois que c'est son premier but où vraiment il fait un petit peu le taf tout seul, où il est sur son côté droit et il repique, il va faire plusieurs feintes, il repique vers la surface, et puis il va mettre une super frappe enroulée dans le petit filet opposé. Mais non, vraiment, c'est un joueur exceptionnel qui est en plus maintenant à droit aussi dans le dernier geste. Donc ouais, non, vraiment, Olise, c'est une chance aussi qu'on puisse le compter dans notre équipe de France, notamment pour la Coupe du Monde. Là, ça va être important. Quelques mois. Ouais. Tiens, on parle d'équipe de France, un ancien joueur français qui vient de prendre sa retraite, c'est Mamadou Sakho. Voilà, bon, qui jouait plus depuis 6 mois, hein, mais officiellement, il a annoncé sa retraite. Et qu'on a vu là, justement, il a eu son petit hommage là au parc. Exactement. Juste avant le match où il a donné le coup d'envoi fictif. Ouais. C'est ça. Donc là, il a annoncé aujourd'hui qu'il a arrêté sa carrière. Il l'avait pas vu depuis 6 mois. Donc une page qui se tourne avec la retraite de ce joueur de 35 ans, qui avait notamment été le héros d'un France-Ukraine, hein, si vous vous souvenez, en 2013, déjà loin, mais voilà, qui avait été incroyable ce jour-là. On poursuit. Tiens, un coup d'œil sur la prochaine journée de Bundesliga pour vérifier voilà ce qu'on va cocher. On a Stuttgart-Francfort qui est pas mal. Oui, qui est à cocher, bien sûr. Stuttgart qui est cinquième, je le disais, qui est revenu à hauteur de Leverkusen. Donc ouais, match intéressant. Et même Francfort qui est à 3 points derrière. Donc bien sûr, pour les places européennes, ouais, c'est un super choc. Ce sera. Ben, ce sera demain cette journée. Hein. C'est une journée qui. Oui, c'est demain. Non, c'est mercredi. Mercredi. Non, c'est demain. Ah, le choc-là, c'est demain. Ce match-là, c'est demain. C'est vrai qu'il y aura une journée en semaine. Il y aura deux journées cette semaine. Donc, demain, voilà, Stuttgart-Francfort, c'est 18h30. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? On n'a pas un gros match derrière. Je vérifie, mais. Non, pas plus que ça. Non, il n'y a pas un gros choc. Hein. Bayern qui ira à Cologne, non. Et puis Dortmund contre peut-être contre Fribourg qui va à Leipzig. Bon, voilà, Fribourg qui est 8ème. Ouais, Fribourg est 8ème. S'il veut en ajouter un, mais bon. Après, oui, si on veut. Il n'y a que 6 points d'écart entre guillemets entre les deux, mais. Oui. Et puis donc la journée du week-end, du coup il y aura deux journées cette semaine. On a bien entendu le Leipzig Bayern, voilà, qui est plutôt intéressant, même si là il y a plus de débat pour entre les deux, c'est Bayern qui finira devant l'autre, mais pour en tout cas le Leipzig, ça va être un match important. Et ça ce sera donc samedi 18h30. Et puis sinon, pareil, pas d'autres gros matchs. Hein. Enfin, dans ce cas, si tu as cité Fribourg-Leipzig de demain ou de mercredi, je sais plus, on peut citer là ce week-end le Hoffenheim-Bayer-Leverkusen. Hoffenheim qui est 6ème, Leverkusen qui est 4ème, il y a que 2 points d'écart entre les deux. Ouais, c'est intéressant. Même chose pour la course à l'Europe. Je prends. C'est un match intéressant à voir aussi. Il y a forcément les résultats de chacun sur la journée de cette semaine, là, de mardi-mercredi. Ouais. À voir comment ça va, va se goupiller pour eux. Mais, 15h30. Petite affiche, ouais. 15h30, et puis ils enchaînent avec le Bayern à 18h30. Voilà. Vous pouvez pouvoir aller deux matchs. Très bien. Bon, ben voilà pour cette Bundesliga. On enchaîne avec l'Italie. Là aussi, c'était du championnat ce week-end avec un match tout en direct. On le disait, hein, la Juve qui pour l'instant lance bien sa rencontre face à Cremonese, 2 milliards de jeux, 2-0. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc c'était la 20e journée là, qui se termine ce soir. Un peu plus tôt d'ailleurs dans la journée, je vous l'ai pas dit, mais le Genoa a battu Cagliari 3-0. Et pour le reste, eh bien on avait qu'est-ce qu'on peut, bah samedi la Roma qui lançait la journée en battant Sassuolo 2-0 et voilà qui repasse provisoirement devant la Juve avant son match de ce soir, mais les deux se tirent bien la bourre quand même là pour cette 4e place. Ouais, c'est ça. Ben, du coup, avec le classement direct, la Juve est repassée devant la Roma, là, 4e pour l'instant. Donc, la Roma est virtuellement 5e, là, alors on se parle. Mais oui, bonne victoire de la Roma qui, franchement, n'a pas été du tout inquiété par les joueurs de Sassuolo. Un match plein, 2-0. Même si, oui, il aura fallu quand même attendre la fin de match hein, pour voir la Roma marquer et enfin concrétiser toutes ces occasions qu'ils ont pu avoir durant tout ce match avec un but notamment de notre Manu Koné national qui ouvre le score donc je l'ai dit tardivement à la 76e et puis ça va être ensuite le jeune milieu de terrain, le jeune italien de 22 ans Mathias Soulet qui va marquer le deuxième but pour vraiment donner les 3 points à la Roma définitivement à la 79e, hein, 3 minutes seulement plus tard, ça a vraiment libéré les Romains cette ouverture du score de Koné en fin de match. Donc 2-0, ouais, victoire importante, je l'ai dit, hein, la Roma qui a vraiment marché sur ce match, sur son adversaire, mais qui a vraiment manqué aussi un petit peu de réalisme, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à marquer, à ouvrir le score, mais c'était un résultat important pour, tu l'as dit, la course à l'Europe, pour rester devant la Juve avant son match donc actuel en ce moment. Mais surtout voilà, ça laisse Côme qui est juste derrière à 5 points quand même, hein, Côme qui est 6ème avec 34 points, la Roma et la Juve 39 points. Donc ça commence à creuser un petit écart avec vraiment ce top 5 qui se dessine. Ouais, c'est vrai que la Juve est bien revenue. Alors là, ils ont pas gagné, mais pour l'instant, ça se dessine pas mal. Bah, qui reviendrait à seulement un point du deuxième et puis à 4 points du premier. Donc ça relance vraiment quelque chose et ça peut faire une grosse deuxième partie de saison. Donc c'est chouette. Ouais. Ensuite, on avait donc hier, on peut parler du Milan AC qui a perdu 2 points précieux. Mais on verra finalement l'Inter aussi on a perdu 2 mais qui aurait presque pu profiter de ce petit faux pas de l'Inter pour revenir à 1 point mais ils resteront à 3 points derrière avec ce match nul à la Fiorentina donc un but partout qui est plutôt mal classé pour c'est un mauvais résultat pour le coup hein, pour le Milan. C'est ça parce que là où l'Inter à la limite on peut les excuser un petit peu d'avoir perdu 2 points parce que c'était quand même contre le Napoli qui est actuellement 3e au classement donc mais Milan avec une équipe quand même remaniée plutôt sur ce match là il y avait plusieurs absents il y a eu pas mal de jeunes aussi qui ont joué des joueurs qui sont pas forcément toujours titulaires avec l'équipe donc ça peut s'expliquer aussi mais quand on voit une équipe un adversaire comme la Fiorentina qui est on ne peut plus malade depuis le début de saison et qui a seulement vient seulement de gagner ses deux premiers matchs il y a encore quelques jours, quelques semaines. C'est sûr que voilà, c'est quand même vraiment deux points perdus pour Milan AC sur ce match-là, même si au final la Fiorentina mérite largement son point du nul et aurait peut-être même pu penser avoir quelques regrets pour ne pas avoir empêché les trois points, parce que la Fiorentina s'est montrée plus dangereuse en tout cas sur le but milanais plutôt que l'inverse. Fiorentina était vraiment valeureuse sur ce match-là et c'est vrai qu'elle se reprend plutôt bien depuis ce début d'année civile et depuis sa première victoire aussi en championnat la Viola, donc c'est peut-être un bon retour pour essayer de se sauver, hein, bien sûr, hein, ils sont actuellement 18e sur 20 la Fiorentina, ils sont qu'à 3 points de la 17e place. Pour l'instant ça revient plutôt bien, mais c'est vrai que Milan ouais là-dessus a égalisé comme en toute fin de match à la 90e par le français Christophe Renkunku. Ça sent très bien finalement, ouais. Oui, ils s'en sentent vraiment bien. Les Milanais, les Rossoneri, c'est quand même deux points de perdu pour eux. Ils auraient pu avoir 42 points en cas de victoire et donc être à un seul point du rival interiste. Donc c'est une opération, un coup manqué là pour Milan, mais je le répète, ils ont fait face à une valeureuse équipe de la Fiorentina qui revient bien depuis ce début d'année, depuis le début de cette deuxième partie de saison. Donc c'est quand même un résultat logique, je veux dire, sur la physionomie du match. Mais c'est deux points vraiment de perdu pour Milan. 3-0 pour la Juve, hein, là, qui vraiment a fait plus que le break. 3-0, c'est ils disent qu'il y a marque pour ce troisième but. Et notez que Rennes finira au moins 10 parce qu'il y a eu une expulsion à 27e, donc ça se complique sérieusement pour eux. Et donc la Juve, voilà, qui s'envole tranquillement. Il y a eu un penalty aussi. Ah oui, voilà, c'était un penalty raté et finalement il a été retiré. Donc voilà, il a marqué ce deuxième but. 3-0 pour la Juve. Et puis autre rencontre, pas de but pour l'instant en Espagne, en France. On suit bien sûr Paris en fil rouge. Là, on est dessus. Donc ouais, on pas forcément pour Vitinha là, justement. Ouais, effectivement. Il y a une petite occasion avant pour le Paris FC, mais rien de très très dangereux. Donc c'est bien joué Vitinha, hein, qui contrôle un peu mal son ballon. Du coup, ça rebondit sur lui, va faire une petite jongle et puis se l'emmener et puis faire une reprise de volée, ça passe pas très loin du cadre et c'est bien joué. Attends, on va peut-être suivre cette action parce que Paris FC qui a une belle occasion à gauche. Est-ce qu'il va avoir le temps de frapper? Ah, c'est bien défendu. Ouais, c'est très bien défendu là derrière. J'ai pas vu qui c'était, mais c'est bien revenu. Et donc on suit tout ça. Dès que ça c'est Zavarni, je crois, qui défend. Ouais, ça doit être lui. Et là, Guevara qui a été. Garnacho qui a suivi une faute, donc on en reste là. Ouais, c'est ça. Belle intervention derrière et du coup on en reste pour l'instant 0-0. Et puis sur la Cup, Liverpool mène 2-0 toujours face à Barnsley. Donc pour cette sans quelle division Barnsley maintenant toujours D3, D4 Alors justement c'est ce que je me demandais tout à l'heure. Barnsley, alors c'est pas Burnley, hein, c'est Barnsley, c'est Barnsley. C'est une très bonne question. Je crois qu'ils sont en Ligue 1. Donc la Ligue 1, c'est la troisième division. C'est la D3, je crois. Ouais, il me semble, c'est ça. Oui, parce que la D2, c'est la Championship. Donc ouais. La Ligue 1 et Ligue 2, c'est la D3. C'est ça. Donc pour l'instant, bon, ils sont menés. Alors qu'il y a une occasion, ils ont une occasion à l'instant. 2-1, voilà. Bah ouais, tu vois, on en parlait à l'instant. 2-1. Donc Barnsley qui va réduire l'écart juste avant la pause. Donc bon timing pour revenir un petit peu au score. Donc on va suivre cette deuxième période dans un instant. Et puis donc pour terminer, on le disait, l'Inter qui n'en a pas profité de ce faux pas de la Fiorentina, mais enfin c'était le Napoli, hein, c'était un vrai choc, pas de vainqueur. Évidemment ça n'a arrangé personne, mais il y a eu du spectacle, des buts en première puis des buts en deuxième dans cette rencontre. Bah oui, du coup c'était le match, oui, qui aurait pu déjà faire basculer un petit peu la Serie A. Alors ça aurait peut-être été tôt, mais mine de rien, si l'Inter s'était imposé, ils auraient laissé les Napolitains à cette longueur derrière eux. Et puis Milan, on l'a dit, a perdu des points aussi avec ce match nul qu'on a dépoussé juste avant. L'Inter aurait pu déjà prendre au moins une petite option vers le titre en ayant ses points d'avance sur Naples et donc si sur Milan. L'Inter qui s'est d'ailleurs montré entreprenant pas globalement dans ce match-là. Ils auraient mérité, si ça avait dû basculer d'un côté, peut-être plus la victoire que Naples, mais ils ont fait face au meilleur joueur du Napoli avec un doublé de l'Écossais Scott McTominay qui a égalisé à chaque fois pour Naples, hein, puisque l'Inter avait marqué assez tôt avec une bonne combinaison entre Marcus Thuram qui est venu fixer la défense napolitaine pour décaler ensuite Di Marco et qui Di Marco qui va ouvrir le score donc pour l'Inter dès la 9e minute. McTominay donc a égalisé à la 26e. Çalhanoğlu a enfin remarqué sur penalty à la 73e et puis McTominay encore lui. Un peu moins de 10 minutes après, va marquer le 2-2 à la 81e. Mais le tournoi du match a quand même failli arriver en toute fin de rencontre aussi dans les dernières minutes avec un poteau trouvé par Mkhitaryan qui aurait pu sonner le glas pour Naples et puis faire s'envoler l'Inter. Mais malheureusement, c'est pas arrivé pour eux puisque voilà l'Arménien j'ai déjà trouvé le montant dans les dernières secondes du temps additionnel. Mais voilà, l'Inter reste malgré tout, on l'a dit, leader, et donc Naples est non pas à 7 points, mais à 4 points de l'Inter, on l'a dit, et 3e donc sur le podium. Exactement, et Naples qui a réussi à stopper une série de 6 victoires hein, pour l'Inter, qui était vraiment sur une grosse série en cours, une série arrêtée désormais, mais qui reste leader, on l'a dit, avec 43 points. Un dernier résultat, c'est la victoire de la Lazio, qui a battu le Vérone, mais voilà, qui se mêlera pas à la bataille voilà pour les places d'honneur, puisqu'ils sont assez loin, 8e avec 28 points, donc ça va être quand même loin pour eux. Mais voilà, il fallait gagner, ils n'avaient pas gagné depuis un petit moment, donc c'était pour renoter cette victoire. Donc l'Inter, on l'a dit, 43, le Milan, 40, avec deuxième, troisième, c'est Naples, avec la Roma à 39. La Juve, pour le moment, rejoint ses équipes à 39, hein, donc c'est relativement serré, hein, 4 points entre 5 équipes, donc très très serré. Et puis tu l'as dit, comme après, il y a un petit fossé avec 34 en bas. Fiorentina, Vérone, Pise, c'est très serré en bas, il n'y a pas de personne à décrocher réellement. Donc, tout peut encore. Non, c'est ce que je disais avec la Fiorentina qui se remet bien plutôt là, depuis toute fin 2025, oui. Début 2026, c'est que voilà, ils ne sont pas du tout largués, au contraire, hein. Ils sont vite remontés vu qu'ils étaient derniers. Donc, ouais, ça reste assez serré en bas. Donc, oui, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe pour tout le monde. Et on ne l'a pas précisé parce qu'on n'avait pas fait l'émission, je pense, depuis, mais Naples avait gagné la Super Coupe d'Italie en fait. Hein. En s'imposant en finale contre Bologne. Oui, c'était juste avant Noël. C'était le 22, ouais, exactement. Ouais. Tout à fait, ouais. Naples qui avait remporté cette compétition. Et Bologne, je sais pas. Ah oui, c'était une compétition à 4, hein, comme en Espagne maintenant. Donc, en Espagne, ouais. Il y avait le Milan AC, il y avait l'Inter qui avait d'ailleurs perdu au tir au but, ouais, face à Bologne. Et Naples qui avait battu Milan AC, ouais, en demi. En demi, ouais, exactement. Donc, pour un titre au moins cette saison pour Naples, peut-être un deuxième, on verra. Très bien. Et un mot aussi, puisqu'il y a il y aura les deux derniers matchs, enfin l'un des deux derniers matchs demain de la Coupe d'Italie. Ce sera les huitièmes de finale, donc la suite, puisqu'il y a déjà eu des matchs en début décembre. Là, on joue la suite maintenant. La Roma recevra le Torino demain à 21h. Et le dernier match c'est la semaine prochaine, donc 15 jours. En fait, c'est des huitièmes de finale sur 2 mois. On n'a jamais vu ça, mais c'est un concept. Et donc ce sera Fiorentina Côme qui se jouera en dernier, et ensuite on enchaînera les quarts dès le début février. Donc en fait on va enchaîner tout de suite. On connaît déjà deux affiches, Bergame Juve et Bologne Lazio. Puis bien sûr on connaîtra la suite des affiches avec ces deux derniers matchs cette semaine, dans 15 jours. Voilà pour l'Italie. Ce qui nous attend sur cette prochaine journée, ce sera la 21e journée. On n'a pas de match incroyable hein, sur cette journée. Hein. Pas de grosses confrontations. J'étais pas dessus parce que je regardais du coup Anima Migori là pour le PFC qui va peut-être sortir. Ah oui. Blessure, hein, mais... Ah, il est en train de revenir peut-être son jeu là. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, il y a pas. Effectivement, il y a pas de gros choc. Non, il y a pas de choc en haut. Non, je verrai ici, mais non, il y a vraiment pas de. Il y a pas de gros match, donc. Bon bah voilà, ce sera en tout cas les matchs week-end en Italie. Vous pouvez suivre ça, l'Inter va à Udinese, voilà, qui est 10e. Voilà, c'est pas un gros match pour l'Inter, mais ouais, il faudra gagner. Il y a un petit match de hipster si vous voulez entre la Lazio Rome et Côme pour les courses à l'Europe un petit peu aussi. Lazio qui est en retard hein, par rapport à Côme hein, quand même. Côme, je l'ai dit, 34 points 6e. Revenir à 3 points, ouais. Pourquoi pas pour la Conference League, ouais. Ouais, exactement. Très bien. Bon bah on suivra tout ça. Pas d'autres buts pour l'instant. Liverpool si, non, on l'a dit 2-1, donc non, il n'y a pas eu d'autres buts. Et donc Terminons avec bon, l'Espagne d'abord et après l'Angleterre. L'Espagne, on va évidemment revenir sur cette Super Coupe d'Espagne voilà, qui nous a animé ce week-end. Il y avait aussi du... Non, il n'y avait pas de championnat. Si, il y avait du championnat quand même. Il y a quelques matchs. Ben, le championnat, alors... ce qu'on peut noter, alors on a qui a joué. Alors il n'y a pas grand match encore, puisque tout le monde était, tous les gros étaient en super coupe. Hein, de toute façon, l'Atlético oui qui a perdu face au Real 2-1. C'était pour les, c'était pour quel tour? C'était les demi-finales. Et puis le Barça oui a atomisé les Bilbao 5-0. Voilà, c'était le carton de cette compétition. Et puis bah hier surtout hein, on attendait, c'était voilà l'affiche que l'on voulait, on l'a eu, le Barça face au Real, de l'attention, du spectacle, des buts, et puis au final une victoire du Barça bah comme l'an passé d'ailleurs, encore une fois. Ouais pour la deuxième fois d'affilée ils conservent leur titre dans un bon match hein, quand même, c'était un bon classico entre le Barça et le Real. Même si le Barça a globalement dominé et a fait un tour sa supériorité qu'on connaît depuis à peu près un an et demi, deux ans maintenant par rapport au Real Madrid. Un match plein, c'est vrai que la première période a été intéressante, surtout à la fin avec cette ouverture du score de Rafinha qui va marquer la 36e. Puis ça va aller vite juste avant la pause, hein, puisque Vinicius va venir égaliser dans les arrêts de jeu de la première période. Et même chose, Lewandowski va tout de suite remarquer aussi la 45e plus 4. Donc voilà, c'était quand même logique hein, que le Barça rentre à la pause, je le disais, avec l'avantage au score, parce qu'ils avaient quand même montré plus de choses et s'étaient montré plus dangereux. Et en parle de dangerosité, sur le PFC, ils se font peur hein, quand même. Le PFC qui se fait peur. Encore une occasion de sortie de... un peu du gardien. Un peu hasardeuse du gardien, ouais. Ah oui. Et juste avant, il avait sorti une claquette sur une frappe un peu anodine, mais qui partait bien de Barcola aussi, donc. Ça pousse côté PSG. Mais oui, le Barça, oui, qui méritait de rentrer avec l'avantage à la pause, ça a été le cas. Mais au final, non, puisque Garcia avait, parce que c'était la petite surprise, Garcia, pour le Real, avait égalisé juste avant la pause à 45e plus 6. Donc il y a eu un but du Real à 45e plus 2, but du Barça à 45e plus 4, et but du Real avec ses arrêts de jeu à rallonge, 45e plus 6. Donc il y avait 2-2 à la mi-temps entre Barça et le Real. Et le Barça va un peu moins se montrer en seconde période, mais il va quand même rester le plus dangereux avec notamment un doublé de Rafinha donc pour le 3-2 la 73e, et puis Mbappé qui va rentrer un petit peu plus tard vers la 80e. Mais malheureusement ça changera pas grand chose, mis à part que c'est lui qui va être victime d'une faute assez importante de Frenkie de Jong qui va valoir un carton rouge au néerlandais. Mais malgré cette petite infériorité numérique pendant le temps additionnel de la fin de ce match, ça ne permettra pas au Real de revenir au score, de marquer le 3-3 pour aller au tir au but, même si Asensio aurait pu marquer le 3-3 ou encore Carreras, surtout aussi je pense à cette action là où il manque une frappe qui est beaucoup trop écrasée qui va venir dans les gants de Juan Garcia pour le Barça. Et Barça, tu l'as dit, bah, garde son titre et il remporte quand même une nouvelle fois cette Super Coupe d'Espagne, plutôt logiquement, avec cette équipe du Real un petit peu trop désordonnée et qui manque d'équilibre un petit peu dans cet effectif là. Et puis on l'a vu aujourd'hui, ça aura sonné le glas pour Xabi Alonso qui a été débarqué. Alors, dans le communiqué officiel, c'est marqué d'un commun accord, la séparation des deux parties. Un accord avec eux, surtout avec eux. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. On verra dans les prochains jours si d'autres infos nous parviendront, fuiteront. Mais voilà, c'est la grosse nouvelle du jour en Espagne avec le départ d'Alonso, de Xabi Alonso. Et donc, c'est Arbeloa, hein, l'ancien du Real, justement, Arbeloa, qui coachait l'équipe B, qui reprend pour l'instant l'intérim. Exactement. Donc voilà, victoire pour cette équipe du Barça qui aura au moins un titre cette saison et il y en aura deux à chercher encore, hein, la Coupe du Roi et le championnat qui est plutôt bien engagé aussi en championnat même s'il reste encore beaucoup de matchs. 4 points d'avance sur le Real. Villarreal a noté qu'il est quand même 3ème avec 41 points, hein, qui tient bien la baraque. L'Atlético Madrid est 4ème, 38 points. Et Villarreal qui a en plus un match de moins, hein, donc qui est vraiment bien installé, qui fait une grosse saison. Il en reste encore la moitié à faire, mais pour l'instant, ils sont sur le bon chemin. Cette semaine, ce sera les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, justement, on en parlait. Donc voilà, ce sera à partir de demain, ces matchs-là de Coupe du Roi. On aura mercredi aussi, donc le Real, de son côté, jouera, je les avais vus. Alors demain, c'est l'Atlético qui reçoit qui va au Deportivo. Ensuite, on aura le Real qui va se déplacer à Albacete, et puis le Barça va à Santander. Voilà, ce sera jeudi. Voilà. Donc demain, Atlético, mercredi, le Real, et jeudi, le Barça. Voilà, donc c'est les huitièmes de finale de cette Coupe du Roi. Voilà, c'est globalement des clubs de D1 qui vont de chez les clubs de D2. Il n'y a pas d'autres clubs plus bas. Non, c'est voilà, ça s'arrêtera. Avec ça, il y aura la Corogne aussi, notamment dans cette Coupe du Roi. Et puis un petit coup d'œil sur les matchs donc de ce week-end en championnat, la 20e journée. Donc le Real reçoit Levante, le Barça va à la Real Sociedad et puis l'Atlético reçoit Alavés. Voilà pour cette 20e journée de championnat. Les directs, alors c'est la mi-temps en Italie, la Juve mène 3-0 maintenant, sa Cremonaise. Ensuite on a la pause aussi en Angleterre, la Cup, Liverpool mène 2-1, à la pause face à Barnsley. En Coupe de France, pas de but pour l'instant entre Paris, les deux Paris. Hein. Il reste un gros quart d'heure encore. Et puis en Espagne, 0-0 entre le FC Séville et le Celta Vigo. On termine avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'était la Cup. Alors, on va pas détailler tous les matchs, il y en a énormément. Mais en tout cas, les principaux qualifiés de cette Cup. C'était le troisième tour, c'est-à-dire les 16e de finale de cette Cup, même, peut-être même 32e, je sais pas. Enfin, il y avait beaucoup de matchs, en tout cas. C'était sa 32e. Donc, on avait. Qu'est-ce qu'on avait comme match? On avait qualification. Il y a vraiment beaucoup de matchs. Hein. Donc sans surprise, donc de Chelsea face à Charlton, 5-1. Voilà, c'est logique face à une des deux. Arsenal aussi, c'est défait de Portsmouth, 4-1. Donc voilà, victoire tranquille. Surprise. Alors c'est quand même Brighton qui a sorti le Manchester United, 2-1. Voilà. Ouais. Pas forcément une surprise. Hein, ouais, une surprise, pas. Voilà, c'est pas non plus. Mais voilà, c'est. Normalement, le Manchester est un tout petit peu mieux cette saison et voilà. Bah, Brighton qui est un petit peu moins mal classé, mais voilà, c'est une petite surprise. Ensuite, qualification donc de City, je les ai vus mais je sais plus où ils sont, voilà, face à oui. Exeter, voilà, le carton aussi, hein. Face à oui. Une Détroit assez logique, ça avait fait tourner hein, pas mal bien sûr du côté de City, voilà, donc assez classique. Après il n'y a pas eu d'autres surprises hein. Sunderland s'est qualifié face à Everton, voilà, un club amateur c'est des 5 même qui s'est qualifié, c'est Macclesfield face à Crystal Palace, donc club de D1, 2-1 victoire, et donc c'est un club amateur qui va passer le tour suivant, un club de D5 même, enfin même plus bas que ça, qui s'est qualifié face à un club de D1, donc c'est une grosse performance à mettre à leur crédit. Aston Villa a battu Tottenham, voilà les classiques, voilà pour ces matchs de 32e de finale. Donc là ce soir c'est Liverpool Barnsley, et donc demain la semaine prochaine il restera un match entre deux clubs de D4 qui joueront le dernier ticket pour le 4e tour, c'est-à-dire les 16e. On aura comme affiche, je vérifie, il n'y a pas de grosse affiche entre gros clubs de D1, non. Arsenal face à Wigan, si Liverpool si ça passe, ça sera Brighton. Non, il n'y aura pas de gros choc. City face à un club qui n'est pas encore connu, donc non, il n'y aura pas de gros choc pour ce tour suivant. Cette semaine, par contre, on va jouer les demi-finales aller de la League Cup. Entre toutes les coupes, je m'y perds. Ce sera les matchs aller, puisqu'on joue les demi-finales en match aller-retour en Angleterre. Demain, Newcastle-Manchester City. C'est à 21h. Et puis surtout, je vous invite à regarder mercredi Chelsea-Arsenal. Ça, c'est une belle affiche. la cup, on sait, enfin, les coupes en tout cas qui tiennent à cœur au club anglais, donc ça va bien jouer, je pense, ce match entre Chelsea et Arsenal. Donc ce sera mercredi, et puis début février, les matchs retour auront lieu. Voilà, donc ça, ce sera cette semaine pour donc la League Cup. Et puis bien sûr, retour du championnat ce week-end. Hein. On aura le derby de Manchester. Ce sera samedi après-midi à 13h30. Intéressant comme match. À suivre. Oui, ça reste toujours intéressant, bien sûr, de ce derby de Manchester, même si United est décroché quand même. Hein, ouais. United est bien décroché par rapport à City. Donc mais ça reste toujours un derby à gagner, c'est sûr. Donc ça reste un match intéressant, bien sûr. Ensuite, on aura Liverpool, Burnley. Donc on aura, après, ce sera Arsenal à Forest. Donc il n'y a pas de gros match, mais c'est surtout celui-là qui est intéressant. Arsenal toujours leader avec 6 points d'avance sur City. Égalité avec Villa aussi, City. Hein, donc c'est Villa qui tient bien aussi la route. Hein. Après, il y a un vrai fossé avec Liverpool qui est avec 35 points. Donc là, il y a 8 points de retard. Donc voilà. En tout cas, le podium il se dessine bien maintenant. Je décide de dire, ça peut aller vite quand même, mais attention peut-être, un comeback peut-être de Liverpool, un coup de moins bien de Villa, mais oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un petit fossé, tu l'as dit, entre la troisième et la quatrième place, avec ouais, ce podium, et tu le disais, avec Arsenal, oui, qui a toujours 6 points d'avance sur City, donc là, il n'y a plus beaucoup de droit à l'erreur pour City, quoi. Si Arsenal, bien sûr, ne chute pas et ne fait pas de trop de mauvaises opérations. C'est ça. Brentford, Newcastle, United, 7e, 32 points. Chelsea, Chelsea a pas mal chuté. Hein. Chelsea 8e avec 31 points seulement. Il y a quelques semaines encore, ils étaient sur le podium. Mais c'est vrai que là, ils ont enchaîné plusieurs mauvais résultats et ça a dégringolé. Ce fameux changement de coach avec Rosenior de Strasbourg qui, ça y est, a pris ses fonctions à Chelsea. Ouais. On va pas reparler 500 millions. C'est des pratiques qui se font beaucoup maintenant avec les clubs, les petites propriétés. Donc on sait que Strasbourg, c'est un petit peu, j'allais dire la vache à lait, mais c'est un peu le cas quand même, mais c'est, on va dire, le petit frère pour rester courtois de Chelsea maintenant. Donc c'est pas une pratique forcément très classe en pleine saison, en plus, je veux dire, pour le club comme Strasbourg, c'est quand même, on est un petit peu dans le irrespect total, quoi. Ouais, je suis d'accord. Chelsea, c'est une victoire sur les 9 derniers matchs du championnat. Donc, combien? Une seule victoire sur les 9 derniers matchs du championnat. Sur les 9 derniers? Ouais. C'est énorme. Ah, hein. Mais j'avais pas la stat là, c'est vrai, effectivement. Ouais, c'est fou. Oui, c'est fou. C'est titanesque. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont vraiment bien chuté. Ils étaient pas mal, hein. Fin novembre encore était bien. Puis, ces deux derniers mois, ça a été catastrophe. Voilà, donc en tout cas Chelsea est 8e. En bas, c'est West Ham, Burnley et Wolverhampton, saison compliquée, 7 points. Pour l'instant, le record tient. Hein. Pour l'instant, le record est en... Ah, il y a une victoire il y a deux semaines qui a fait presque pratiquement doubler leur total. C'était face à West Ham. West Ham qui est mal placé aussi, parce qu'il y a un fossé aussi sur les trois dernières places. Hein. Oui. West Ham qui est 18e, donc premier relégable, est à 14 points, alors que Nottingham, premier non relégable, est à 21 points, et donc 7 points d'écart, hein, quand même. C'est déjà beaucoup. Pour Wolverhampton, on peut quand même d'ores et déjà dire que c'est quasi mort. Quoi. Oui. Ah, ils ont pris 5 points en 3 matchs, là, sur les 3 dernières journées. Ah d'accord, mais bon, il y a quand même Oui, non, je suis d'accord, mais ils avaient 2 points. Ils ont pris ils ont presque quadruplé en 3 journées. Et avant ça, il y avait eu 12 défaites avant ça, consécutives. Ouais. Parce que là, il peut avoir encore un petit peu d'espoir côté West Ham et Burnley, mais il y a déjà quand même, je l'ai dit, de l'écart avec le Nottingham, premier non relégable, mais Wolverhampton, ça va être très compliqué. Ah bah sur Forest, il y a 14 points. Bon. 14 points, oui. C'est énorme. C'est à moi qui s'écroule complètement, Forest, mais j'y crois pas trop. Ouais. Voilà donc pour l'Angleterre. Revenons en France. D'ailleurs, j'ai vu l'info il y a quelques minutes. On parlait vite fait de West Ham. Paqueta qui veut absolument partir de West Ham cet hiver et qui pourrait partir pour une petite quarantaine de millions d'euros, retourner au Brésil dès cet hiver, et notamment c'est Flamengo qui est sur les palettes. Voilà. Très bien, on suivra ça. C'est reparti donc pour les matchs qui étaient en pause à la mi-temps. pour l'Angleterre, pratiquement. Enfin, ça va reprendre en tout cas. Et puis, ça va être la pause justement en Espagne. Et puis, là, en Coupe de France, ça... pas de but hein, pour l'instant, pas de. Non, mais ça pousse côté PSG hein, toujours. Ouais. Mais ça trouve pas la faille pour l'instant. Non. Et on, voilà, on joue la 37e minute, toujours 0-0. La suite, donc, on va évoquer bien sûr la Coupe de France, la Ligue 1. Donc, on va présenter cette nouvelle journée. On présentera aussi. Non, ce sera pas cette semaine, la Ligue 1, ce sera la semaine d'après. Oui, on aura les deux dernières journées qui vont s'enchaîner d'ailleurs. Mais en tout cas, on présentera cette journée de Ligue 1 et puis la Coupe de France. Et puis tiens, on peut, un mot de la CAN aussi, on peut en parler, on a du temps là pour une fois. 21h47. Si vous nous rejoignez sur Arc-en-Ciel, c'est la Radar du Sport qui se poursuit. Avec les demi-finales. Ça y est, on arrive déjà au stade des demi-finales. Ce sera donc cette semaine ces matchs-là. Ce sera mercredi, donc les deux matchs mercredi d'ailleurs. Ce sera d'abord 18h Sénégal-Égypte et puis 21h Maroc-Nigéria. Une petite analyse soit sur ces quatre demi-finalistes. Est-ce que c'est logique pour toi? Est-ce qu'il y a eu des surprises? T'attendais à autre chose différent? Honnêtement, je trouve ça assez cohérent. On aurait peut-être pu imaginer quand même l'Algérie essayer être dans le dernier carré. Je parle avant la compétition. Après, quand on voit un petit peu la physionomie de la compète, des différents matchs, et qu'on voit notamment ce quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria, c'est quand même logique, on ne peut plus logique de voir l'Algérie être défaite par les Nigérians. Les Nigérians ont vraiment montré et montrent un super visage dans cette CAN. Ils sont vraiment très très costauds et c'est une belle équipe vraiment à regarder, à voir jouer. Non, honnêtement, globalement, c'est pour moi, c'est vraiment les quatre meilleures équipes du tournoi qu'on voit là dans le dernier carré. Même si j'avais bien aimé quand même le Cameroun aussi, qui était intéressant aussi, mais un petit peu en dessous de ces quatre-là. Le Cameroun qui a subi la loi du Maroc à domicile. Franchement, je pense que ça va être deux belles affiches là. Enfin, ce sont de belles affiches, mais. Même sur le terrain, je pense que ça va être très très intéressant à voir. Ce Sénégal-Égypte pour ouvrir le bal, tu l'as dit, ce mercredi à 18h pour ouvrir la soirée. Et puis ce Maroc-Nigeria, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le choc parce que forcément le Maroc, je pense qu'on peut le dire, meilleure équipe d'Afrique depuis, on va dire 4 ans à peu près. En tout cas, déjà la Coupe du Monde 2022, c'était déjà très intéressant de voir évoluer cette équipe du Maroc qui était quand même allée très loin dans cette compétition aussi. Et puis Nigeria qui a dit qu'il est très costaud, qui a aussi beaucoup de talent, dont bien sûr Osimhen qui répond présent dans cette CAN aussi. Donc très beau choc aussi entre le Maroc et le Nigeria pour clôturer cette soirée et hâte de voir ce que ça va donner ce choc entre le Nigeria qui pour moi est vraiment l'une des meilleures équipes de cette CAN et puis le Maroc forcément qui est, je l'ai dit, sûrement la meilleure équipe d'Afrique, mais en même temps qui a tout le poids du pays sur ses épaules, forcément en jouant cette compète à domicile, donc c'est toujours un poids en plus. Enfin, un poids, après, il y a forcément aussi l'ambiance dans le stade qui va pouvoir pousser les joueurs aussi, mais il y a forcément beaucoup de pression autour de cette équipe du Maroc. Donc, mais ça va être deux belles affiches entre Sénégal et Égypte et Maroc-Nigeria, et c'est plutôt une belle CAN, encore une fois, qu'on vit cette année, avec pas moins de polémiques qu'il y a encore 2 ans, mais parce que là, c'est vrai que l'arbitrage est quand même beaucoup, beaucoup décrié. Alors, parfois à tort et à travers, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu entre guéguerre géopolitique, entre un petit peu de complotisme. C'est un petit peu dommage aussi de voir ce genre de compétition être un peu gâchée par ce genre de remarques et ce genre de petits scandales qui gâchent un petit peu la fête. Mais globalement, le beau football est là quand même et c'est bien aussi vraiment de pouvoir s'intéresser puis d'avoir aussi même en Europe, en France, cette offre. Télévisuel, je veux dire, notamment par nos collègues, nos camarades de Beansport qui retransmettent l'intégralité des matchs. Donc c'est pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant aussi de voir des plus petits pays d'Afrique, vraiment voir le football. On voit le développement du foot qui a été incroyable durant ces 25 dernières années en Afrique. Il y a vraiment du très très beau football là-bas, et notamment citer le plus gros, hein, Nigeria, Maroc, c'est vraiment. C'est vraiment intéressant donc voilà pour cette CAN. Et puis je le disais, deux très belles affiches là qui nous attendent mercredi pour ces demi-finales. Ouais, puis je trouve ça idiot là d'ailleurs de la CAN d'avoir mis les deux matchs de demi-finale le même jour. Ça donnera pas un déséquilibre sur la finale niveau temps de récupération. C'est pas idiot, C'est pas idiot, même si bah, c'est vrai que pour 18h, ça peut être embêtant pour certains. Et la finale, donc, dimanche à 20h. Voilà, qui aura lieu à Rabat, cette finale. Et puis il y aura le match pour la troisième place, hein, le samedi. Exactement. À 17h. Voilà, tout à fait. Qui sera, elle, à Casablanca, cette petite finale. Et voilà, donc, pour cette CAN, on en reparlera lundi de cette finale. Ce vainqueur de cette CAN 2025. On poursuit, on va revenir donc avec la Coupe de France. Alors que ça a bougé, ça a bougé par FC qui avait effectué un changement, sorti d'Almami Ikori pour la rentrée de Jonathan Ikoné. Finalement, ça n'a pas tenu, hein. Et il va se laisser sa place avant la pause. Donc voilà, un petit coup dur pour le Paris FC, alors qu'il va rester 3 minutes à jouer avant la pause dans cette rencontre. La Coupe de France, donc 16e de finale. Alors on va y revenir. Le tirage au sort qui sera effectué demain pour la suite de la compétition. C'est demain, juste avant Bayeux à Marseille, justement. Voilà. Le tirage au sort. Tout à fait. Donc pas de grosses surprises. Il y a des fois des surprises assez énormes. Là, il n'y en a pas eu, malheureusement. Les petits poussés n'ont pas tenu le choc. L'équipe de Périgny, donc équipe de R1, a été éliminée par Le Mans 2-1. Ça n'a pas été un gros score, mais ça n'est pas face à une équipe de Ligue 2. En plus, un but dans les dernières minutes. Donc, malheureusement, ça ne passe pas pour le petit poussé qu'on aurait bien voulu voir, enfin l'un des petits poussés, parce qu'il y avait une équipe de R2 aussi qui était présente, Framing qui a été battu par Chantilly, équipe de N2 3-0, donc voilà, pas de miracle pour cette équipe de R2. Il y a une autre équipe de R1, c'est Marc-en-Barœul qui a été battu par 3-1, voilà, donc pas d'autre surprise. En revanche, une équipe de R1 qui est passée, c'est Bayeux, qui a battu Blois, équipe de National 2, donc petit exploit, 2-1, donc ça passe. On aura encore au moins un club de régional sur le tour prochain. On voit Rouen-l'Étape aussi, R1, qui a été battu par le Paris FC 3-0, évidemment logique. Béthune aussi, ça n'est pas passé face à Sochaux. Mérignac, ça n'est pas passé loin, face à Istres, au tir au but battu. Donc là aussi, c'est une équipe de R1. Il y avait encore pas mal d'équipes de R1 quand même, hein, mine de rien, pour ces 16e, c'est rare. Non, tu... Attends. Non, tu regardes les 32e, là, je crois. Ah, bah oui, je sais pas. Bah, pourquoi? Bah oui, je me disais. Je suis en train d'attendre d'autres infos. Et d'un coup, je tends l'oreille et je t'entends en train de parler qu'il y aura des équipes de régionales encore dans le prochain tour. Ah non, c'est mon travail. Alors qu'en 8e, il n'y aura que des Ligue 1, Ligue 2. C'est Montreuil. Ah oui, c'était Montreuil que je cherchais. Hormis si Bayeux. Je ne le souhaite pas, hormis si Bayeux réalise l'exploit monumental d'éliminer l'OM demain, mais sinon il n'y aura que des Ligue 1, Ligue 2 pour les 8e de finale cette année. C'est fini pour Montreuil, voilà, que battu par Amiens 4-2. Et puis donc demain, bon bah voilà, ce sera un exploit ou ce sera la fin, mais c'est en tout cas une belle affiche pour eux de recevoir Marseille donc demain soir. Sinon, bah toutes les équipes qui se déplaçaient ont gagné. Hormis Le Mans qui a battu Nancy, donc duel de Ligue 2 au tir au but, mais sinon toutes les équipes qui ont été en déplacement pour l'instant, parce qu'il y a encore Paris ce soir, hein, qui pourrait gagner à la maison. Mais sinon, voilà, Amiens, donc Monaco qui a battu Orléans, donc 3-1. Le score qui est pas flatteur pour Orléans, hein, qui globalement a dominé, hein, cette équipe de Monaco. C'était cruel, hein, quand même. Enfin, surtout les deux buts en fin de match, en plus, là, cruel, c'était cruel pour l'USO. Ouais. Ouais, qui a eu plus d'occasions, qui a globalement dominé le match, hein, voilà, clairement. Hein. Bah, avec ce carton rouge pour Monaco, ouais, qui a un petit peu forcément aidé, entre guillemets, mais Orléans, quand même, ouais, a vraiment été très intéressant et a joué ce match à fond. C'est dommage qu'il n'ait pas au moins été récompensé par un but. Ouais, il manquait de réalisme un petit peu dans la deuxième période. Et avant ce deuxième but, il y a eu des occasions pour égaliser, et finalement, il y a eu ce Nikena qui est rentré et qui a marqué deux buts, voilà, deux buts en contre, hein, très clairement. Avant quelques mystiques, marque quand même pour l'honneur le 3-1. Mais voilà, dommage, des regrets pour Orléans, qui n'a pas su marquer quand il aurait fallu. Et Monaco qui va poursuivre l'aventure, mais ce fut compliqué. Hein, ce fut compliqué. On a vu aussi dans les tribunes les 300 supporters monégasques qui étaient présents sortir quelques banderoles, hein, pas très sympa. Voilà, notamment. En faveur du staff et des dirigeants monégasques, mais voilà, Ça a éteint le feu un tout petit peu, cette victoire, cette qualification, mais il va falloir très très vite enchaîner avec le championnat où c'est très compliqué. Donc en tout cas, ça passe pour Monaco. Trois donc est passé, Toulouse au tir au but face à Angers, Laval est passé, Strasbourg, Lorient, Reims. Ensuite hier, Lens est passé face à Sochaux, pas de surprise. Nice a battu Nantes au tir au but, Le Mans s'est qualifié, donc l'a dit face à Nancy, Montpellier est passé face à Metz, 4-0. Il n'y a pas eu de débat. Rennes a battu une équipe de N2 Chantilly. Et puis Lyon, dans le derby de Ligue 1 hier, qui était l'un des seuls avec ce Paris Saint-Germain, Paris FC d'ailleurs. Il n'a pas eu d'autres. Il y a eu Angers-Toulouse, il n'y en a eu que trois. Des rencontres 100% Ligue 1. Et donc a battu Lille 2-1. Donc ça passe aussi pour les Lyonnais. Et puis donc le Paris Saint-Germain, donc il va rester quelques secondes avant la mi-temps d'ailleurs. C'est le temps additionnel de cette première période. Paris Saint-Germain et Paris FC. Et donc demain, elle disait pour clôturer Bayeux Marseille avant, juste avant, on aura le tirage au sort. Donc, ce sera sur Beansport 1 pour suivre Bayeux Marseille demain. C'est la mi-temps d'ailleurs entre les clubs de Paris. Et ça reprend, ça a repris entre la Juve donc 4-0. Hein, voilà, c'est plié hein, comme on l'avait supposé. Bah, ça s'écroule pour Kremens qui a pris ce carton rouge avant la pause. Enfin, même à la demi-heure. Donc et c'est le but, ah, c'est un CSC, voilà, donc 4-0 désormais pour la Juve. En Angleterre, pour Liverpool, ça tient toujours pour l'instant 2-1 face à Barnsley, mais rien n'est fait, il reste encore beaucoup de temps. Et puis en Espagne, c'est la mi-temps, ça va reprendre, c'est Vigo, et puis la pause, on l'a dit à l'instant, entre les deux clubs de Paris. Voilà pour cette Coupe de France. On attend le prochain tour. Le prochain tour qui aura lieu, ce sera les huitièmes de finale et ce sera, je crois que c'est début février. Hein, si je dis pas de bêtises. Pardon, je t'écoutais pas. Ah, d'accord. les huitièmes qui auront lieu début février, me semble-t-il. Hein. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc pour ces huitièmes que l'on retrouvera. Donc, avec le tirage, donc demain, on aura l'occasion d'en reparler, donc lundi, de ce tirage que l'on attendra. Je revérifie très rapidement. Ouais, mercredi, jeudi, en tout cas, le 4 février, on aura ces huitièmes. Parce qu'après, on basculera en match en semaine, hein, puisqu'on aura moins d'équipes, donc... on aura des matchs en semaine pour les, à partir des huitièmes. La Ligue 1 maintenant, pour enchaîner avec la journée qui va nous attendre sur cette prochaine journée. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Le classement, c'est Lens qui domine ce classement, champion d'automne, avec 40 points, un point devant le Paris Saint-Germain, 39. Et après, c'est vrai qu'il y a un petit fossé quand même déjà. Marseille est troisième avec 32 points, comme Lille a 32 points. Lyon et Rennes 30 points, donc on sent quand même deux équipes qui sont un petit peu décrochées, même si il n'y a pas 15 points, mais il y a quand même 8 points. Et Lens qui est surprenant quand même sur cette phase-là. Bah ouais, Lens qui va sauver un, qui continue vraiment être très très bon, surtout évidemment au niveau du collectif, mais même au niveau des individualités, je pense. À beaucoup de joueurs, même à Mathieu Hudol dans ses débordements, qui est très bon, Thauvin qui est toujours une pièce maîtresse bien sûr de cet effectif-là, ça peut être le capitaine aussi Adrien Thomasson qui est toujours présent, Otton Edouard qui vraiment enfin réalise une grosse saison pour l'instant avec 7 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues avec Lens et c'est une bonne pioche je trouve, enfin a fortiori maintenant du RCL l'été dernier, Wesley Saïd aussi qui a 30 ans d'ailleurs maintenant, mais qui reste un très bon élément en Ligue 1. Donc ouais, Lens non, franchement qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. On sait pas combien de temps ils vont continuer, si ça va continuer ou pas, ou peut-être que si. Mais on l'a encore vu sur le dernier match de championnat, c'était en tout début d'année, là, le 2 janvier. Ce 3-0 face à Toulouse, c'est clinique et c'est un grand, grand Lens qu'on a vu. Alors certes, Toulouse avait été réduit à 10 en début de match, hein, autour de la 20e minute, mais Lens a pris vraiment ce match au sérieux et continue à prendre ses matchs les uns après les autres très au sérieux. Et pour l'instant, bah, ça fait qu'eux, au moins, voilà, contrairement à d'autres clubs en mettant Paris de côté, mais tu disais qu'il y a, il y a un petit fossé après entre Marseille, Lille, Lyon, Rennes, voilà, on va prendre les équipes à 32 et 30 points. Voilà, mais ces quatre équipes-là, Marseille, Lille, Lyon, Rennes, c'est des équipes qui n'arrivent pas à enchaîner, on va dire, trois matchs, trois victoires. C'est des équipes qui sont un petit peu en dents de scie, et contrairement à Lens qui fait le job, qui fait enchaîner les grosses performances aussi. Donc ce qui fait que pour l'instant ça continue, et puis ils sont très très bien drivés aussi par leur coach, hein, forcément Pierre Sage qui fait encore un gros boulot, et voilà, on voit vraiment que c'est un coach intéressant. C'était pas un petit peu le coup du sort ou le coup de chance, ça réussit en tout cas son lorsqu'il avait repris le club, lorsqu'il avait repris l'OL il y a deux ans je crois maintenant, parce qu'il avait quitté le club malheureusement un petit peu dans le mal, mais on voit encore que c'est un très grand coach, Pierre Sage, qui a, j'espère, je le souhaite, de très très belles années devant lui, parce que c'est un jeune coach, mais voilà, il montre beaucoup de bonnes choses et son équipe est très très forte, et je souhaite à Lens de continuer le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que pour l'instant ils tiennent tête au PSG, ils tiennent à cette première place, et c'est intéressant de les voir depuis plusieurs journées, ouais, bah, ainsi tenir, et c'est bien aussi de voir une telle adversité pour le PSG, pour cette place de leader. Et Lens, ouais, dernière défaite qui remonte au 29 octobre. Depuis, c'est 8-9 victoires consécutives, enfin, toute compétition, 7 en championnat. Il y a que 3 défaites en championnat. C'est vrai que c'est la deuxième, deuxième équipe qui perd le moins avec Paris, qui en a 2. Et un seul match nul. C'est vrai que c'est très régulier en plus. Donc, ça fait 40 points, c'est beau. Bon, derrière, on l'a dit, 32 Marseille, Lille, Lyon, Rennes. Puis après, il y a à nouveau un fossé avec Strasbourg 24, Toulouse, Monaco 23. Seulement, hein, c'est Monaco qui est très très loin du compte, ouais. Même s'il reste pas mal de matchs. Et puis en bas, bah, il n'y a pas de personne de décroché, hein, mais Paris FC 16, Nantes 14, Auxerre Metz 12, personne de décroché, mais il y a pas mal d'équipes qui vont être concernées par le maintien jusqu'au bout. Il est quelle heure? Il est 22h03. Les directs, alors ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est pas reparti entre Séville et Vigo. Ce que je vous propose, puisqu'on est un petit peu en avance, on va marquer une petite pause et ensuite on revient pour les pronostics, l'agenda, et puis on se quittera peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas on est pas mal. Et le temps d'écouter un dernier titre et enfin avant-dernier, puisqu'on aura un dernier titre pour clôturer. Et puis ensuite on revient. Un titre, tiens, est-ce que peut-être tu vas connaître, Hugo? Bien sûr, tu connais Queen, évidemment. Non, c'est qui? Non, qui est ce groupe? Évidemment. Et tu sais peut-être que Freddie Mercury a tenté une carrière solo pendant quelques années, ouais. Quelques mois. Oui, tout à fait. Ouais. Et ben un titre qui est ressorti de cette période. Il avait pas fait une chanson en solo avec une espagnole. Excusez-moi pour ceux qui connaissent, parce que c'est l'une des chanteuses d'opéra les plus connues espagnoles. C'est pas ça, du coup? Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas celle-ci. Mais non, c'est pas celle-ci. Mais peut-être si tu la trouves, ça m'intéresse. D'accord. Un titre, ça s'appelle Living on My Own, alors qui a pas super bien marché quand il est sorti, mais il a été repris derrière par un groupe qui a remasterisé la musique avec un format un peu plus dynamique, et ça donne donc Living on My Own. C'est Freddie Mercury, l'un de ses seuls titres, enfin en tout cas qui a marché un petit peu en solo avant de retrouver Queen. Allez, on écoute ça, on se retrouve dans 3 minutes pour donc la suite et la fin de l'émission. Freddie Mercury, Living on My Own, voilà, sur Arc-en-Ciel. L'un des titres de Freddie Mercury en solo. Le temps pour nous de revenir, voilà, 22h08. On va donc maintenant parler donc de cette Ligue 1 qui reprend ce week-end avec les matchs. C'est la mi-temps du coup, hein, ça y est, sur toutes les pelouses qu'on suivait. Paris, donc bon bah qu'est-ce qu'on peut en dire de cette première période? Je vais essayer de dire le peu que j'ai vu du coup, parce que en même temps je suis concentré sur mes documents pour débriefer tout ce week-end, mais ce qu'on peut en dire, c'est que le PSG bien sûr domine largement ce match quand même. Le PSG a eu très peu d'occasions, en tout cas est resté relativement très peu dangereux. Il y a eu plusieurs occasions, hein. Je parlais tout à l'heure, je le disais en direct, mais Barcola sur une frappe un petit peu anodine, mais a failli se trouver la lucarne du PSC. Au final, c'est le gardien qui va faire une petite plaquette et sauver le but. Il y a Vitinha, je le disais aussi tout à l'heure, sa reprise de volée qui était belle et qui passe pas loin du cadre. Il y a Ramos aussi qui a été intéressant devant, puisqu'il commence titulaire ce match-là. Donc forcément plusieurs occasions franches côté PSG, mais pour l'instant ça tient côté PFC. Je ne sais pas si on va réussir à tenir longtemps dans cette seconde période, mais pour l'instant c'est toujours 0-0, donc le suspense est toujours là. Allez, on va parler de cette journée. C'est la 8e journée en Ligue 1. On va pronostiquer ça en même temps. Un petit retour sur d'abord ce qui s'est passé sur la 17e journée. Victoire 5-3 pour toi, Hugo. Voilà, beau score. C'était 3 points, c'était pas terrible. Hein. C'était pas évident comme journée. J'avoue, j'en suis bien sorti parce que je suis d'accord que sur certains résultats, c'était pas simple. Hein. Notamment, il y a eu la défaite de l'OM, mais il y avait plusieurs matchs qui étaient vraiment compliqués à pronostiquer. Je pense à Brest-Auxerre, Lorient-Metz, Le Havre-Angers, c'était pas des matchs forcément faciles à pronostiquer en avance, donc c'est sûr que c'était pas simple. Et on va pouvoir pronostiquer donc cette journée. On y va avec donc première rencontre de cette journée, c'est donc vendredi à 19h. Il y aura deux matchs d'ailleurs vendredi pour une fois, ce sera Monaco-Lorient. Monaco donc 9e, Lorient et 12e. Pas si bon au classement finalement. Non. moi je vais mettre Monaco là, ils ont plus le choix. Hein. Enfin, c'est une chose, mais oui. C'est pas pour autant que. Après beaucoup de blessés. Mais Lorient reste sur au moins 5 matchs sans défaite. Hein. Lorient est sur une bonne dynamique. Ouais. Contrairement à Monaco qui est sur 4 matchs, sur 4 défaites en 5 matchs, sur les 5 derniers matchs là, de Ligue 1. Depuis novembre, ouais. Depuis début novembre. Début novembre, ouais, tu vois. Donc ça commence à dater. Je vais lâcher le petit bras quand même. Je vais dessus, je vais dire Monaco quand même. Je veux aussi gagner ce jeu des pronostics. Donc je vais la jouer safe, entre guillemets, même si pour le coup, dans la forme actuelle, c'est quand même plus Lorient qui a l'avantage. Mais je vais dire Monaco. Quoi. Monaco, beaucoup de blessés. Suspendu, il y a des joueurs qui sont à la canne. C'est pas évident. Ouais. 21h, du coup, Paris face à Lille pour les clubs européens qui jouent vendredi. Donc, Paris, donc bien sûr, 2e et Lille, 4e. Voilà, c'est très serré dans ce classement. Ça va être un bon match. Moi, je vais mettre Paris tout de même qui va gagner. Ouais, je te suis aussi. Mais... Ouais, samedi, 17h, Lens Auxerre. Lens est premier, hein. Auxerre c'est un peu l'inverse, et à 17e, moi je vais mettre Lens, hein, sans trop de difficultés normalement. T'aurais pu hésiter, peut-être que ça va être à la Baie des Champs. Maintenant oui. À Bollaert, je pense que Lens va continuer sur son excellente dynamique. Ouais. 19h, on aura Toulouse-Nice. Toulouse est 8e, Nice ouais. Est 14e. Toulouse, c'est pas mal cette année. Hein. Je vais mettre le TEF, moi. Une victoire du TEF, ouais. Moi, je vais mettre un nul. Je sais pas trop quoi mettre là-dessus. Je vais mettre un nul. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Pas, ouais. Ensuite, on a donc Angers-Marseille. C'est à 21h05. À Angers, je sais plus, ils sont là, ils sont 10e, ils sont pile à la moitié. 10e, ouais. Et Marseille, donc 3e, pour moi, sera Marseille. Alors, Angers, c'est un peu chiant à jouer cette saison, je te mens pas. En plus, là-bas, l'OM a un match très important avec des champions aussi quelques jours après. Est-ce que. Un match aller, il y en a deux partout, hein. Oui, tout à fait. Puis voilà, parce qu'il y a un petit peu de turnover aussi, un petit peu sur ce match-là, pour laisser quelques cadres au repos côté Marseille, mais en même temps, pas trop se le permettre non plus si on veut rester dans les premiers rangs, dans les premiers rôles, je veux dire, de championnat. Donc, je vais quand même mettre l'OM, bien sûr, mais attention, ça pue un peu le match piège pour l'OM, mais je vais mettre l'OM quand même, ouais. 5-0 pour la Juve, ça continue l'enchaînement. Ouais. 5-0, cette fois, c'est McKennie qui va marquer. Ah mais oui, Cremonese à 10 contre 11, c'est ça. Oui, depuis la demi-heure de jeu, donc ouais. C'est sûr que c'est plus facile. Dimanche maintenant, à 15h, d'abord, on aura Strasbourg, Metz. Strasbourg est 7e, Metz est dernier. Moi, je vais mettre Strasbourg. Je pense que c'est le match pour se relancer, ouais, pour Strasbourg, qui est pareil, elle n'a aucune victoire sur les 5 derniers matchs, tout comme Metz, hein, d'ailleurs. Exactement, oui. C'est vrai que ouais. Oui, je vais mettre Strasbourg aussi. Ouais. 17h15, deux matchs. Nantes, Paris, FC. Nantes qui est pas bien non plus, 16e. Paris FC, guère mieux, 15e. Deux points de d'écart entre les deux. C'est un match qui est difficile là à pronostiquer. Avec l'arrivée d'Ahmed Kantari sur le banc nantais et la bonne perf quand même contre l'OM aussi, même si l'OM a pris un rouge puis un deuxième, mais. La semaine dernière, mais non, t'avais montré un très beau visage même en 11-11, et le PFC qui me rassure pas forcément. Alors je parle pas forcément de ce soir contre le PSG, parce que forcément il y a un ou plusieurs grands écarts, mais je vais mettre victoire de Nantes, moi. Ouais, je vais mettre un nul, moi. Je suis pas trop comme elle, donc je vais mettre un nul. C'est reparti entre Paris, justement pour le Paris FC qui est reparti. L'autre match, c'est Rennes-Le Havre. Rennes est 6e, hein. C'est bien, ils sont bien, bien revenus. Et le Havre qui est 13e. Moi, je vais mettre Rennes à la maison. Ouais, pareil. Et enfin, Lyon-Brest pour finir à 20h45. Lyon 5e, Brest 11e. Moi, je vais mettre victoire de Lyon 3-1. Non, 3-2, moi, pour Lyon. Ah, toi, t'as mis une seule victoire à l'extérieur, c'est Marseille, et c'est que des victoires à domicile. Pas de nul. Pourquoi pas, hein. Pas de nul, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il n'y a pas de règle, mais je ne bouge pas, je laisse comme ça. Allez, c'est validé. Tiens, je voulais évoquer aussi l'actualité, c'est le décès de ce matin. Bien sûr. Roland Courbis, bien sûr. Voilà qui. Coach Courbis pour les intimes. Ah oui, Coach Courbis qui a beaucoup œuvré pour le football, bien sûr. On pense fort à lui, à sa famille. Et voilà, on se souvient de lui évidemment pour ses nombreuses sorties aussi. Enfin voilà, c'était un personnage, un vrai personnage. Moi, si je devais, entre guillemets, citer un souvenir de Roland Courbis que j'ai, je vais dire souvenir qui n'en est pas un, parce que j'étais pas né, mais c'est des images forcément que j'ai et qu'on a, pour la plupart, fans de foot, vues et revues. Ça a retourné bien sûr aujourd'hui avec l'annonce de sa disparition dans les différents médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et le plus loin pour supporter de l'OM, forcément, c'est le fameux jour de 98 où on s'en rappelle l'OM, enfin on s'en rappelle, non, encore une fois j'étais pas né, mais l'OM perdait 4-0 au Vélodrome contre Montpellier. Et on voit Courbis revenir sur la pelouse juste avant la seconde période avec Louis Nicolin qui est juste à côté. Et Courbis bien sûr avec sa fascinante grande gueule, et on l'aimait pour ça évidemment, qui dit à Loulou Nicolin, évidemment qui nous a quitté bien sûr il y a plusieurs années aussi, qui dit à Louis Nicolin, quand je pense qu'on va gagner 5-4 à la fin, et que Louis Nicolin lui répond, on a toute cette phrase aussi, ça c'est des couilles. Et puis Courbis qui rajoute après, mais je te le dis, je le pense vraiment, sinon je compterais pas sur la pelouse si je pensais qu'on allait pas gagner. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, ce 5-4, ce match mémorable entre Marseille et Montpellier, j'ai plus la date exacte, hein, je sais que c'est en 98, mais. Mais voilà, c'est un souvenir mémorable qui n'en est pas un, mais c'est l'image qui résume bien le personnage qui était Roland Courbis, et puis sa carrière mémorable qu'il a faite autant en tant que joueur que même en tant qu'entraîneur aussi. Donc voilà, c'est quand même une des principales images qu'on peut garder bien sûr de Courbis. Très bien. Bah écoute, en tout cas, ce petit hommage qu'on voulait rendre ce soir. On va continuer à deux heures de vue. Voilà, il est presque. Je sais pas si t'as vu, il y a aussi l'ancien président de la Save Action qui est. Oui, alors lui, qui s'est fait assassiner, oui. C'est différent qu'il s'est fait assassiner aujourd'hui. En plus, malheureusement pour lui, forcément, c'était aux obsèques de sa mère, de sa maman. Il avait des problèmes déjà depuis plusieurs décennies. Il s'était également engagé en politique, qui était parti même pendant un moment vivre en Amérique latine pour des problèmes qu'il avait. Enfin bref, c'est aussi cet ancien président de la SAE Ajaccio, Orsoni, qui est parti aujourd'hui aussi. Donc puis il y avait eu Jean-Louis Gasset aussi il y a quelques semaines, fin 2025. Triste période. En fait, c'est une petite période noire là, malheureusement pour le foot, mais même le sport français en général. Donc on perd quelques légendes. Des figures, ouais. Allez, un point sur les directs avant d'enchaîner. La Juve donc 5-0, il reste 20 minutes. Paris donc pour l'instant ça a repris depuis 5 minutes, ça n'a pas bougé. Séville Vigo 60e 0-0. Puis Liverpool tient toujours pour l'instant sa qualification face à Barnsley 2-1 toujours. Il reste un gros quart d'heure donc c'est pas fini encore cette rencontre, il peut encore se passer des choses. L'agenda de cette semaine avant de se quitter, qu'est-ce qu'on va poursuivre, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans tous les sports. Je vous le disais tout à l'heure, en biathlon, ce sera une nouvelle journée, enfin une nouvelle étape que l'on va suivre cette semaine. Une étape toujours en Allemagne, cette fois-ci à Ruppolding, avec des relais hommes-femmes et puis sprint et poursuite comme d'habitude. Ça sera à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Voilà, ça va s'enchaîner. Donc ça sera pour cette semaine. On aura le début de l'Euro masculin en handball. L'équipe de France qui va rentrer en piste jeudi pour son premier match de cet Euro. Donc ce sera face à la République tchèque. Donc ce sera jeudi à, je crois que je vous le dis, à 18h cette rencontre, c'est ça. Ensuite, il y aura un autre match samedi, ce sera face à l'Ukraine, toujours à 18h. Et enfin, lundi prochain, à 20h30, on suivra cette rencontre, ce sera France-Norvège, qui sera probablement le match pour la première place, hein, face à l'autre grosse équipe de cette poule, donc France-Norvège. On aura l'occasion de suivre ça lundi. Et ensuite, on basculera sur la deuxième phase de cet Euro, on aura l'occasion d'en reparler pour le tour principal, qui sera vraiment, on va vraiment rentrer dans la compétition. Donc voilà, Euro masculin, cette semaine ça démarrera, donc ce sera Norvège, Suède et j'ai oublié le troisième pays, mais en tout cas ce sera sur trois pays, 7 euros. Donc voilà, masculin, à noter que voilà, les Français, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ils ont joué quand même deux matchs amicaux. Face à l'Autriche, c'était vendredi, victoire 34-29, et face à l'Islande hier, 31-29, donc voilà, les Bleus sont quand même en prêt. Danemark, Norvège et Suède, voilà, pour les trois pays de cet Euro qui se clôturera le 1er février. Voilà pour le hand. En basket, eh bien, nouvelle journée donc de championnat en Elite 2 pour Orléans, qui va tenter de se refaire, de se reprendre après la défaite hier à domicile face à Blois. Donc la nouvelle journée, ce sera, je vous l'ai dit, c'est face à Saint-Chamond vendredi à 20h30. Voilà, déplacement pour Orléans, donc à Saint-Chamond pour une nouvelle journée. Ensuite, on aura donc du tennis. Ce sera la dernière semaine de préparation avant l'Open d'Australie. Hein. Cette semaine, je vous l'ai dit, quelques tournois de préparation où on retrouvera plutôt des joueurs hors du top 10. Hein. Les joueurs du top 10, top 20 vont rester au repos avant la grande échéance. Donc Adélaïde, Auckland. Et ensuite, on basculera dimanche déjà sur le premier grand chêne de la saison, grand chêne de l'année. Donc voilà pour le tennis. Du rugby, retour du top 14 après dernière journée de Coupe d'Europe avant de rebasculer au top 14. Donc dernière journée de championnat européen avant de rattaquer. Pour la plupart des clubs français, il est encore possible de se qualifier. Pour d'autres, c'est déjà fini. En tout cas, on fera un point lundi sur les qualifiés pour les huitièmes de cette compétition. Voilà pour le rugby. Et puis enfin, en football, beaucoup de choses cette semaine. Tiens, un petit mot aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant de vous donner le programme du foot. C'est le Dakar aussi cette semaine, hein. Enfin, en ce moment, le Rallye Dakar. Voilà, on rappelle que Sébastien Loeb toujours en quête d'une victoire dans le Dakar. Pour l'instant, ça va être compliqué. Il est 7e, 6e avec 17 minutes de retard sur le Qatari toujours à Latilla, qui est voilà, toujours là chaque année. Et là, il est encore premier pour le moment. Donc rien n'est fait, mais pour le français, il y a un petit peu de retard. Il peut encore essayer de revenir sur cette fin d'épreuve. Ce sera jusqu'à samedi. Donc c'est encore possible pour l'homme, mais il va falloir compter sur devant pour que ça puisse revenir. Donc le football, cette semaine, on aura, donc on l'a dit, les demi-finales de la League Cup en Angleterre, donc match aller, ce sera demain mercredi. On aura aussi de la Coupe du Roi cette semaine, demain mercredi, jeudi, voilà, pour l'Espagne. Sinon les championnats, bien sûr, ce week-end. On aura deux journées en Allemagne, demain, enfin début de semaine et ce week-end. La Ligue 1, évidemment, on en a parlé. On aura la Ligue 2 aussi. Le National aussi va reprendre ses droits après plusieurs semaines de trêve. Hein, donc, on peut en reparler rapidement pour Orléans après cette petite pause, cette petite parenthèse Coupe de France. Retour au vrai championnat. 17e journée, déplacement à Fleury, vendredi à 19h30, qui est 9e. Donc, Orléans qui est, on rappelle, 3e. 4 points de retard sur le deuxième Dijon et 6 sur Rouen qui est premier. Donc tout est encore jouable. Voilà, il va falloir faire une grosse deuxième partie de saison, alors qu'il y a une grosse occasion pour Paris, je crois, là. Hein. Ah, on a perdu Hugo. On a perdu. Ah oui, si, oui, belle occasion. Ouais, non, mais ouais. Si, j'étais là, j'avais coupé mon micro, effectivement. Ouais, belle occasion pour le PSG qui pousse. Hein, c'est une récupération de Baratrelia. Et puis j'ai plus vu que c'est Ramos qui a frappé, je crois. Il me semble. Il y a bel record du gardien du PSG. Ouais, ça chauffe tranquillement hein, dans cette rencontre. Donc voilà, donc ça ce sera, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. ce sera la, oui, la nationale, voilà, Orléans déplacement. Donc voilà, donc on aura des coupes un petit peu partout. On aura les championnats ce week-end. La suite et la fin de la CAN aussi, hein, bien entendu. Demain, c'est plutôt mercredi, les demi-finales. Donc de cette CAN, Sénégal-Égypte 18h, Maroc-Nigéria 21h, samedi match pour la troisième place et puis dimanche finale à 20h. Voilà, de cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire ce week-end et puis et la semaine prochaine, retour de la Ligue des Champions, bien sûr. Hein, on va en reparler. Encore de belles affiches pour la 7e journée. On arrive dans les derniers, voilà, derniers matchs. Il va falloir prendre des points pour aller se qualifier pour la suite. 22h25, bon voilà, finalement on est presque dans, enfin on est dans les temps, on est même un tout petit peu en avance pour une fois. Quelque chose à rajouter peut-être, Hugo? Écoute, je crois qu'on a pas refait le tour. On a fait notre tour d'Europe. Je voulais forcément dire un mot sur la CAN, forcément dire un mot, mais on l'a fait du coup il y a quelques instants sur Roland Courbis. Non, globalement on a presque fait le tour. Ça va permettre de tous nous libérer, si j'ose dire, pour regarder ce Paris Saint-Germain PSG. Du coup là, voilà, c'est que la 58e minute, puisque le match, on l'a dit, a commencé à 21h10, donc ça nous laisse encore un peu de temps pour voir la grosse moitié, et puis vous aussi chez vous, pour voir la grosse moitié de cette seconde période entre dans ce derby parisien. Donc ça va être intéressant de voir ça, si PSG va réussir à tenir ou s'ils vont craquer. Mais c'est vrai que là ça pousse fort du côté du PSG. Ouais, on va voir si ça tire. Et puis donc la suite et fin de Séville-Vigo, c'est donc en Espagne, 20 minutes encore, 0-0. Juve, Brémonaise, bon c'est fini, hein, 5-0, il reste encore 10 minutes, mais voilà, le match est plié. Et but pour Liverpool, voilà, Liverpool qui va s'assurer une fin de match tranquille, puisqu'il mène 3-1 désormais. Le but, alors j'ai pas encore le buteur, ça va arriver. En tout cas, ça fait 3-1 face à Barnsley. Voilà, ils vont se donner un peu plus d'air sur cette fin de rencontre de cup. Et le buteur, c'est Wirtz. Voilà, Florian Wirtz qui va donner le break pour Liverpool pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Alors, on vous laisse avec ça. La suite et la fin pour nous, c'est avec ce titre qui va partir tout de suite. On se quitte à 22h27 avec le titre de 3 minutes. Ça fait 22h30. On sera parfaitement dans les temps. Pour une fois, ça s'appelle Undouré et Vakra, c'est Balade, le titre de cette chanson. Hugo, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, merci à toi, la semaine prochaine. Encore meilleurs vœux à toutes et à tous. Hein. Et puis, bon, c'est la semaine prochaine, bonne semaine de foot. Allez, merci à vous, bonne soirée et à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao. Ça vibre dans le fond de la poche, ce soir je sais pas où je crache. Elle veut casser la distance. Elle a trop peur que je lui dise non. Elle a moins peur des coups de soleil que des premiers signes d'épuisement. Bah ouais, j'ai pas de limite. À peine commencé, tu vas me confiner. J'suis discret, j'suis pas timide. C'est toi qui dis qu'on peut s'enfuir. Chaque scène, j'peux plus freiner. J'peux plus revenir. Chaque déplacement est défrayé. Genre, tu mets, j'peux t'effrayer. Bébé, j't'emmène faire une balade. Parce que demain, j'suis pas là. On veut pas. Não quero. E então o Cazulo anda muito à volta desta questão de uma forma um bocadinho mais poética e fazendo uma metáfora com a própria terra que utilizou em cena. Como é que tu te apresentas nesta performance? Ou seja, quem chega lá e te vê, o que é que vê? Quem me vê, vê uma entidade.